3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh. Sub no. Stop! Give her what she wanted through to Sunday. Il fait pas très très chaud, il fait pas très chaud, bonhomme de neige, pas un jour, pas une semaine sans qu'il neige. Non, pas un jour sans, pas un jour, pas une semaine sans qu'il parle des Knicks. Qui ça? Bah KNFTV, oh là, je suis complètement perdu. Vous savez, il y a de l'excitation parce qu'il y a un départ qui s'annonce bientôt, donc c'est peut-être pour ça. Ah, Seb, comment ça va? Eh ben ça va, nous ici, on a connu une semaine pluvieuse dans le sud là, bien pluvieuse, pas de neige. Pas cette tempête qui touche ouais, le froid aux États-Unis et vous sur la côte ouest, je crois qu'il y a eu une grosse tempête ou un truc comme ça, non? La côte ouest française. Ouais. Bon, il y a toujours un peu de vent, hein, ça souffle toujours un petit peu. D'habitude. Hein, ouais. Un bon Guicotet en ciré et puis hop. Un lundi normal quoi, je veux dire. Voilà. une petite brise. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Vous le savez, il y a encore beaucoup de choses à se raconter autour des Knicks sur cet épisode 144 de Have to Knicks Week. Bah oui, on part en voyage, donc lundi prochain, je suis désolé, je serai à Charles de Gaulle, pas moyen d'enregistrer. Donc on vous laissera deux semaines de repos avec ce long épisode sûrement de Have a Knicks Week. Donc profitez-en, il y a un beau programme à venir. Il y a pas mal de choses qui se sont passées la semaine dernière. Mais ben on perd pas de temps, on lance le petit jingle et on parle des Knicks en francophone avec Seb sur KNFTV pour l'épisode 144. Let's go. Et puis, une semaine où il s'est passé pas mal de choses pour l'association aussi. Et oui, c'était notre dernière en date KNF Viewing Party ce week-end, samedi, pour une affiche qui n'était pas des plus déplaisantes face aux Philadelphia Sixers. Alors, on pouvait se demander ce qu'allaient faire les Knicks, mais en tout cas, les Knicks fans de la KNF étaient présents. Petit comité, mais un comité qui a serré les fesses tout le long de la rencontre pour savoir si les Knicks allaient l'emporter ou pas. Spoiler, oui, ils ont gagné à la fin. Bravo, merci à la KNF. Et un événement, une viewing party qui en appelle une autre, parce que voilà, on en a une cette semaine, le week-end dernier, et on en aura une très prochainement, on vous l'annonce tout de suite, pour la réception. Attends, d'ailleurs, j'ai un doute. Est-ce que c'est au TD Garden ou au Madison Square Garden? Je sais plus. Là, j'ai un doute. En tout cas, pour la belle affiche face aux Celtics dans deux semaines. Alors, je vais te dire tout de suite. Parce que j'avais préparé ma petite fiche. Et donc, les Boston Celtics, hop là. Ça se passera à la maison des Boston. Dans l'autre jardin, dans le jardin des Verts. Voilà. Au TD Garden. Quoi qu'il arrive, ça sera une affiche immanquable. Bien entendu, une affiche du haut de cette conférence Est de cette saison régulière. Les Knicks seront remis au défi, au test. Pour l'instant, il y a une victoire partout. Ça sera intéressant à voir comme rencontre. Hein, donc ça, c'est dimanche 8 février. Hein, on a passé la viewing samedi dernier face à Philly. Ça s'est bien passé. On a gagné. Dimanche 8 février, bon, on attend ni plus ni moins que le même résultat. Une petite victoire d'Enix, ça serait très très bien hein, pour le retour du voyage. Donc, save the date, comme on dit, pas cette semaine, pas ce dimanche qui arrive, le dimanche de la semaine d'après. 8 février, à partir de 18h au Hideout. Hein, le duel des GB, la battle des GB, c'est ce sur quoi on a opté pour le visuel de ce flyer. Une petite tête qui bouge, hein, le GB. Deux joueurs qui sont qu'on va retrouver prochainement à Los Angeles, oui, pour un événement. Bon, les Knicks ont fait, enfin la KNF a fait la fête, les Knicks aussi étaient un petit peu de célébration de fête cette semaine. Et pourtant, on peut se demander, hein, il y avait un petit peu de crise, je ne sais pas si tout le monde était très très d'humeur à faire la fête. En tout cas, un joueur qui peut avoir envie de faire la fête, c'est Jalen Brunson. Hein, Jalen Brunson, nouveau All-Star, ça y est, c'est confirmé. Troisième sélection All-Star, et cette fois encore All-Star titulaire après la saison dernière. Un vote du public, un vote des coachs, un vote des joueurs. Et ben voilà, Jalen Brunson rejoindra, qui ça? Jalen Brown, dans les starters Alors bon, ça sera pas l'équipe de l'Est contre l'équipe de l'Ouest. La nouvelle formule de la NBA va nous faire un petit mélange avec des joueurs internationaux d'un côté. Quid de Giannis Antetokounmpo, il est starter à l'Est, mais il est blessé. Je crois que comme pour Jokic, je crois qu'il sera forfait. Alors Jokic, on ne sait pas encore, mais en tout cas Giannis, au regard de l'annonce de sa blessure, qui devrait 4-6 semaines, pas neutre, voilà, ça risque d'être compromis cette participation au All-Star Game. Il ne représentera pas l'équipe internationale qui pouvait afficher quand même de belles ambitions avec un Wembanyama de l'autre côté. Bravo à lui, Cocorico, premier français masculin à être titulaire d'un All-Star Game. Il y avait Gabby Williams qui avait été titulaire du All-Star Game en WNBA, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est chez les femmes, chez les hommes. On a beau avoir du Tony Parker, on a beau avoir du Joakim Noah, on a beau avoir qui d'autre en Victor l'année dernière, All-Star mais pas titulaire. Est-ce qu'il y a eu d'autres Français sélectionnés All-Star Game? J'ai un doute là sur le coup. Rudy, bah oui, Rudy Gobert. Oui, Rudy. Mais non, après c'est le, c'est, ben non, le ouais, c'est Joakim Noah. Si, Joël. Tony Parker, Rudy Gobert et puis Victor, ouais non après. Joel Embiid qui est un citoyen du monde, hein, franco-camerouno-americano, voilà, il représente beaucoup de nations lorsqu'il est All-Star. Et même je réfléchissais, même sur des concours, on n'a jamais envoyé un Français présenter un concours non plus, hormis Tony qui avait fait le Skill Challenge. Une année, quoi. Oui, sur, c'est ça. Mais après, sinon, on n'a jamais... Frankie pour le Rising Star. Ouais. C'est tout. C'est tout en rookie, d'ailleurs. Ouais, en rookie français, d'Enix. Je réfléchissais, mais... Enfin, même... Ah, si. Bah, si, après, il y en a eu, mais... Si, oui. Après, d'ailleurs, au Rising Star, on a eu Rizaché, on a eu Sarr l'année dernière. Donc, je me demande si Bilal n'a pas été aussi au Rising Star. Oui, il me semble, ouais. Je m'en souviens plus. Donc après, ça me passionne tellement, si tu veux, que ces derniers temps que... Mais voilà, en tout cas, quand même, on aura au moins un représentant des Knickerbockers. Il est pas impossible que JB soit aussi présent pour les concours. Alors, concours de dunk, c'est pas forcément, mais peut-être le concours à 3 points. Les concours de dunk, la saison dernière, il l'avait fait. Il y a personne qui veut y aller, hein. C'est vrai que ça se bouscule pas, on n'a pas forcément de fuite sur les noms. Beaucoup réclament les gros dunkers, mais voilà, les Zion, les Jamorant, ça a l'air de bouder encore ce type d'événement. Voilà, c'est aussi ça qui fait peut-être que le All-Star Weekend a moins la cote qu'il ne pouvait l'avoir. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, une sélection méritée au regard du niveau de jeu produit par Jalen Brunson. Après l'événement, on verra ce que ça donne. On le verra en live ou en replay, peut-être en replay. Ça sera sûrement sujet à pas mal de critiques par rapport à cette nouvelle formule. Jalen Brunson qui représente l'Enix. Est-ce qu'il y aura un second joueur d'Enix au All-Star Weekend? Si Hécatombe, si Jokic et Giannis ne le font pas. Parce qu'après, au niveau des internationaux, tu vas avoir qui? Tu peux avoir du Shengun. Doncic, ils y sont déjà. Wembanyama, il y est déjà. Mais après, derrière, un gros nom, parce que du coup, c'était Jokic et Giannis. Mais s'ils y sont pas, tu auras qui? Tu auras du Shengun, pour moi. Il peut y avoir du Avdija. Tu peux après derrière, qu'est-ce que tu vas avoir en gros nom international? Je suis en train de réfléchir, mais il y en a déjà. Banchero, on a dit plutôt américain que italo, et pas forcément non plus dans une période très très idéale pour lui en ce moment. Ouais, c'est chaud. Waouh. C'est pas évident. Alors Karl-Anthony Towns, on y pensait parce que côté Knicks et son côté dominicain. À un moment donné, tu veux des internationaux, donc il va falloir que tu ailles gratter. Donc Towns dominicain, s'il y a hécatombe, il faut qu'à un moment donné, ils trouvent combien de joueurs? Il faut qu'ils en fassent combien? 5 plus combien Je sais pas, c'est pas 8. Parce que c'est des matchs de 12 minutes, hein, c'est des mini-matchs. Hein, donc, il faut un minimum de joueurs quand même pour faire. Et tu sais qu'il a ses chances. Il a ses chances au final, ce bon 4, malgré une saison plutôt discutable, on aura l'occasion d'en reparler. Jalen Brunson qui s'illustre avec une nouvelle sélection All-Star, mais Jalen Brunson aussi qui s'illustre en tant que gros vendeur. Eh ben oui, Le maillot de JB a l'air de s'arracher plutôt pas mal du côté de la NBA en ce moment. Il est troisième au niveau des meilleurs, des plus grosses ventes de jersey. Donc bravo à lui. Ce qui fait aussi que les Knicks eh bien, sont une équipe qui vend pas mal. L'effet Cup, il y est peut-être pour quelque chose. Il a été joueur du mois. L'effet New York. Qui retrouve le shine. Il y a un joueur qui fait gagner. C'est le combo gagnant pour vendre. C'est pas pour rien que c'est un gros marché. Demain, Jalen Brunson, avec tout l'amour qu'on a pour lui, tu lui fais faire ses achievements du côté de Utah, par exemple. Je suis pas sûr qu'il soit troisième à la vente des maillots. Hein. Donc voilà. Il y a effectivement tout le pouvoir marketing, médiatique et d'influence de cette Big Apple qu'on adore. Bon, c'était pour les notes positives. On voulait démarrer l'émission quand même sur une note positive et d'ailleurs, la semaine dernière. Est-ce que tu as remarqué que pour l'occasion, les titulaires All-Star avaient chacun, lors de leur match, un petit macaron qui, avec une étoile pour justement signifier qu'ils étaient All-Star titulaires. Tout à fait, j'ai vu ça lors du MLK Day, hein, ce match un peu particulier qui a ouvert la semaine passée. Oui, tout à fait, il y avait une petite reconnaissance. Bon, on le sait, la NBA est dorénavant son sponsor carte, Tops. Bah, là, c'est sûr aime que ça... beaucoup ce genre de petites particularités pour ça va faire des objets de collection. Ça va faire des one-to-one. Donc, des cartes 1 sur 1, donc extrêmement prisées par les collectionneurs, mais du coup, extrêmement onéreuses aussi. Et évidemment que cette étoile, en fait, elle va finir sur une carte. Et donc, Jalen Brunson, Knicks, 1-to-1, Joseph Manny, elle sera forcément signée. Ça sera forcément une auto. Donc, appelez votre banquier. Voilà. Se faire amputer d'un rein s'il le faut ou hypothéquer la maison de famille sur plusieurs générations. Oui, voilà. Si vous n'êtes pas quelqu'un de très matérialiste, quoique s'il faut. Pour acheter une carte quand même. Si moi j'ai une carte, ouais, non, ça colle pas. Bon, si vous avez la collectionnite aiguë et que vous adorez Jalen Brunson et que cette sélection All-Star c'est vraiment tout pour vous. Ça fait beaucoup de si. Voilà, il y a peut-être un bel objet à essayer d'acquérir. Voilà. Ouais. Bon. C'était pour les notes rigolotes et positives des Knicks. Tu veux pas qu'on parle des choses qui fâchent. Non, mais juste petite chose rigolote et après derrière je te laisse parler des choses qui fâchent. On en a parlé vite fait en off. Les Knicks qui signent un joueur donc qui ont coupé Tozan Evbioman, ça on en avait parlé la semaine dernière. En fait, donc, ça a été pour signer un joueur en two-way qui s'appelle Dylan Jones. Dylan Jones qui a été drafté en 26e choix lors de la draft 2024, donc la draft de Zachary Zaché. Et les Knicks qui, à cette occasion, avaient envoyé leur choix 26 à OKC contre 5 second tours. Petit échange. Donc, on a encore quelques reliquats de ces second tours. Et après, en fait, c'était la mise de départ de Léon Rose qui adore les secondes tours de draft pour faire ses micmacs. Et il était allé à chercher notamment un Tyler Colec. Et ben, écoutez, donc, ce Dylan Jones, un an et demi plus tard, et ben, les Knicks le signent en two-way contract. Donc, au final, un an et demi après sa draft, les Knicks retrouvent le joueur qu'ils avaient drafté. Et en plus de ça, ils avaient eu en cadeau 5 secondes choix. Comme quoi, de la NBA, des fois, c'est assez what the fuck. Ouais. Il y a des choses qu'on comprend pas trop, ces moves, mais bon, sûrement une logique quelque part, comptable, salarié. C'est-à-dire qu'un an et demi après le coupé. C'est un prêt. Un an et demi après le coupé, je sais pas si on va parler un peu des rumeurs de trade. Si, on va en parler. Mais donc, si on va en parler, on parlera de Yves Missi, c'est la même chose. Le mec est drafté l'année dernière et déjà sur les rumeurs de trade, dans une équipe de reconstruction. des fois, il y a des choses aussi pareil qui m'échappent un petit peu, quoi. Ouais, sur la logique sportive, les plans de construction. Mais chaque chose en son temps. On va d'abord parler du terrain avant de parler complètement des coulisses. Effectivement, une signature de Léon. Bon, un two-way contract. Il y en a un qui part, il y en a un autre qui revient. Admettons. Est-ce que ça sera un move significatif? Est-ce que le joueur va finir la saison? Est-ce qu'il aura une bague en juin? On verra. Chaque chose en son temps. Parce que déjà, il va jouer. Parce qu'il va déjà jouer, ça, c'est encore une autre histoire. Après, on a un coach qui tente des choses, quand même. Alors, la semaine dernière, on démarrait la semaine par le MLKD, une date assez particulière, la journée marathon, beaucoup d'antennes nationales, et puis une petite fibre nostalgique pour nous, puisqu'il y a un an, jour pour jour, on était à New York pour suivre ce MLKD. Donc, on sortait d'une semaine à 3 défaites. On voulait plus entendre parler de défaites. On n'était pas contents, toi et moi, sur l'épisode précédent. Et on voulait justement se relancer. Et quoi de mieux que de recevoir les Mavs à la maison, une équipe qui joue plus grand-chose, qui a plutôt un objectif de tanking, qui était incomplète. Le retour de blessure de Kissa, de Jalen Brunson et Josh Hart, formidable. L'équipe au complet. L'équipe n'avait pas été au complet depuis le début de la saison. Donc là, on avait tout, entre guillemets, en main pour pouvoir espérer une belle réaction des Knicks, relancer à la maison avec une victoire. Patatras. Que dalle. Rien. Walou. Un blowout. Mais un blowout, mais affligeant en plus, quoi. C'est pas qu'on a mis un blowout, c'est qu'on s'est mangé un blowout. On s'est pris, à un moment donné, jusqu'à 30 points de retard dans cette rencontre. Jusqu'à 30 points de retard, ouais. À un moment donné, c'était à 75-45. Mais on a touché le fond, là. Là, on a touché le fond. Même autant, on avait trois défaites consécutives. Ouais. Mais là, non. Contre cette équipe, et je rappelle, on est au complet. En plus, il manque un tel. Non. Et je rappelle que justement les Knicks affrontaient une équipe, je rappelle, à qui manquait Daniel Gafford, D'Angelo Russell, PG Washington, Anthony Davis, Derrick Lively, Kyrie Irving et Dante Exum. En gros, t'as ton 5, une partie, parce que t'as Cooper Flag, donc t'as ton 5 plus une partie de ton banc. Qui n'était pas là. Donc tu affrontais la fin de ton banc plus des mecs qui font les voyages avec la G League. Voilà. Et toi t'es au complet. Tu peux gonfler les muscles. Tu dis bon nous on a l'armada. On est contenders. Depuis longtemps que c'est pas arrivé. On était au complet. La bannière de la Cup, c'est pas pour tout de suite parce qu'on vise autre chose. On a un autre objectif cette saison. Oui en ce moment ça joue pas très bien mais on a la maison. I have a dream. On va faire les choses bien et voilà. Et non ça a été. Ça a été lamentable en fait. Je pense que là, c'est vraiment. Quand je dis on a touché le fond, des fois il faut savoir toucher le fond pour pouvoir rebondir. On va voir comment ça a rebondi. Mais c'était vraiment affligeant. Et le public a hué les joueurs, à juste titre. Les joueurs avaient la tête basse, voilà. Le coach, est-ce qu'il a trouvé des solutions dans ce marasme? Non. Beaucoup de joueurs sont passés au travers de cette rencontre. Le banc, qu'est-ce qu'on peut dire du banc? On a un Mitch Robinson, mais autrement, ça a un peu pianoté en cherchant un petit peu des solutions. Mais avec une rotation courte avant de lâcher l'affaire complètement dans le garbage time, mais... Et encore. On n'a pas trop lâché dans le garbage time. Je veux dire, jusqu'à 3 minutes de la fin, 2-3 minutes de la fin, tu envoies Jalen Brunson sur le terrain. Donc il n'y a pas eu de garbage en fait. Peut-être non, en fait, il y a du garbage. Non. C'est un blowout où on s'est fait humilier tout du long. Ah ouais. Et c'est qu'à la fin, ouais, en 3 minutes à la fin, qu'il y a le banc qui se vide quoi. Donc moi j'aurais vidé le banc dès le début du 4ème en fait. Au début du 4ème, j'aurais fait allez, c'est bon, terminé. Voilà, il fallait espérer un improbable comeback. Alors bon, le match il s'opère un peu en deux temps. Une première mi-temps catastrophique. Ah ouais. On se fait ouvrir, on se prend quoi? On se prend 77 points à la mi-temps. Non, c'est ça. J'ose à peine revenir sur le résumé du match pour voir le score, mais à la mi-temps, à la mi-temps, t'es à 75-43. Voilà. 75-43. Voilà. 75-43. Donc notre attaque n'était pas là, mais la défense non plus. On encaisse 75 points encaissés. Et il y a un carton, on en prend 41, c'est ça là? C'est le premier, c'est le deuxième, je sais plus. Là, c'est le deuxième, 44-25. 44 points encaissés. Ouais. C'est là, défensivement, on n'était absolument pas dedans. Alors oui, les joueurs en face ont eu de l'adresse, admettons, mais on n'a pas su mettre des stops défensifs, des stops en faisant, en se prenant des... Najee Marshall, là encore, qui a... Alors peut-être que lui a envie de venir jouer à New York. Tu vois, le Madison Square Garden, c'est joli, c'est bien, l'équipe a l'air sympa, compétitive. Max Christie aussi. 8 sur 10 à 3 points. 8 sur 10 à 3 points. Alors, il n'y a rien qui va dans ce match. Hein. JB, à un moment donné, qui est un peu à faune, quoi, qui... On voit pas de réaction qui vient non plus de sa part. C'est pas celui sur lequel on va tirer le premier, c'est certain. Josh Hart, qui a peut-être voulu trop en faire sur cette rencontre, qui était, je sais pas, ils étaient en manque de rythme, eux, peut-être. Admettons, voilà, on peut leur trouver des mini-circonstances atténuantes. Mais oui, Doug Christie, qui arrose à 3, bon, une fois, deux fois, trois fois. C'est qui les défenseurs extérieurs qui sont censés prendre ces mecs-là, quoi ? Enfin, y a un moment... Ok, Kat, il est lamentable en défense, il passe son temps à chouiner, tout ça. Et encore, dans cette rencontre-là, c'est pas sa pire rencontre qu'on a pu voir de la semaine. Ou de la saison. Mais la défense extérieure, compliqué, quoi. Michael... se couvrir à 3 points par de nombreux shooters adverses. Michael Bridges finit avec le plus-minus le moins bon de toute l'équipe. À moins 21. Et tu vois, il fait froid à New York en ce moment. Il fait froid en ce moment, mais moins 21, il est fort et le ressenti, il est malheureusement plus fort parfois. Quoi. Il est dans le dur en ce moment des deux côtés du terrain, le concernant. Quoi. Ouais. 7 points, 3 sur 10 au tir, 3 rebonds, 3 passes, 1 perte de balle, 2 ballons volés. En 33 minutes de temps de jeu. Et en 33 minutes de temps de jeu. On dit, répète, c'était pas la plus grosse adversité. Quoi. Non. C'était un match, est-ce qu'ils l'ont pris à la légère ? Il y a un moment, on peut se poser cette question. Est-ce que, d'un point de vue préparation mentale, focus sur la rencontre, et sachant qu'on sort d'une semaine de 3 défaites, je peux pas comprendre qu'ils le prennent à la légère. On aurait gagné, on aurait eu une semaine tranquille. Qu'il y a un relâchement. Bon, la saison régulière, c'est un marathon, c'est long, t'es à la maison, MLK Day, c'est pas les heures habituelles. Bon, je sais pas, admettons, un accident de parcours, ça peut arriver dans la saison. Mais là, tu sors de 3 défaites. Moi j'ai eu peur que tu mettes en antenne nationale. Moi j'ai eu peur que c'était un match où tu lâches le coach, tu sais, j'avais peur un peu de ça. Bon. Bah, le coach ça, s'est exprimé, Mike Brown s'est exprimé en rencontre. Forcément, ça en menait pas large, même si il y avait des petits sourires, des petites embrassades avec Jason Kidd à la fin. Ouais. Ça, franchement, moi ça a de plus en plus de mal à passer. Quoi. Mike Brown, il est très gentil, il est très mignon, il est très jovial, il est dans la blagounette, le body language, il est très bien. Enfin, rapport à un Tibbs qui était enfermé, bourru. Moi, Tibbs, il m'a toujours fait penser au pingouin dans le Joker. Voilà, cette attitude un peu garçon bouché, tu vois, enfin le cliché du mec vraiment pas aimable. Quoi. Tibbs, c'était ça, quoi. Il le portait sur lui d'un point de vue morphotype, c'était ça. Mike Brown, c'est allez, on rigole, ouais, je fais des trucs, je fais des petites vannes, des petites punchlines. Il en refait une en plus sur cette conf de presse. Oui, il dit aux joueurs le fucking job. Oh, pardon, je dois pas dire ça devant les médias. Mais Mike, arrête de faire du cinéma, parce que ça, c'est du cinéma, quoi, en fait. C'est du cinéma, quoi. Et il le fait très bien, il est très bon en termes de com, là-dessus, pas de problème. Mais ouais, derrière les accolades. Et tu repenses aux accolades avec Draymond Green face aux Warriors, quoi, c'était un ou deux matchs avant. Tu repenses aux accolades avec les joueurs des Kings. Bah, Mike Brown, il est très mignon, mais pour le coup, est-ce qu'il est suivi par les joueurs ? Là, on s'est quand même demandé. Alors, a priori, le discours à la mi-temps, c'était vous avez été affligeant, il n'y a pas besoin de regarder de la tactique ou quoi que ce soit. Et effectivement, si on peut sortir une pseudo-note positive de ce match, c'est qu'il y a eu une certaine forme de élévation du niveau défensif en seconde mi-temps. Alors, peut-être qu'aussi, les Mavs, ils étaient en sur-régime en première et ça n'allait peut-être pas durer. Quoique, ils ont toujours gagné largement, mais il y a eu. Voilà, les deux derniers quarts ont été moins catastrophiques. Ça n'a pas permis d'aller remporter le match, hein, d'aller gagner la rencontre. Mais ouais, inquiétant, infligeant, une défaite infligeante, pardon. Affligeante, je perds les mots, quoi. Puis au Garden, quoi. Au Garden, donc les joueurs se sont fait huer. À la fin, JB a dit, bah oui, on a raison de se faire huer, je me serais hué moi-même. Très, très compliqué, quoi. Très compliqué, on en était sur 4 défaites consécutives. Et pour une équipe qui a des ambitions, qui veut jouer longtemps, loin, bah c'est pas ce genre de prestation qui rassure. Clairement pas, quoi. En plus, avec le coach. Ce match, en plus, a eu la particularité. Il y a eu cette image où et ben en fait, tu avais tout le front office qui était là lors du match. C'est-à-dire que tu avais Leon Rose, à côté de lui, tu avais William Wesley, donc quand même les deux gros dirigeants des Knicks. Ça. À côté de eux, donc le président des opérations basket, qui n'est d'autre que Gershon Rosas, et l'adjoint GM, Alan Houston. Et les quatre étaient là pour assister à ce marasme. Et il faut aussi souligner que à la mi-temps, donc il y avait à ce match, évidemment, il y avait James Dolan et Sakur qui étaient présents. À la mi-temps, forcément, ça part en backstage, ça va boire du cocktail, puis ça revient. Sauf que là, en fait, James Dolan n'est pas revenu. Et donc là, James Dolan est pas revenu sur sa chaise, quoi. Mais et... surtout que lui, il a fait sa sortie il n'y a pas très longtemps en disant « Non, mais voilà pourquoi on a viré Tibbs, voilà pourquoi on a une ambition. Oui, je pense qu'on peut gagner, le groupe, il est bien. » Non, ça, je pense que ce match, t'as ça... T'as ça, tu passes pour un guignol, en fait. Non, tu passes pour un guignol avec ta décla juste avant, en disant « Mais donc, avoir des... Il y a dû avoir des répercussions en interne, ça... Il se dit que les joueurs, après ce match, c'est Josh Hart qui a dit non, mais il n'y a pas eu d'entretien, enfin, il n'y a pas eu de réunion de joueurs, ça a été comme d'hab, ça a été quelque chose, voilà, machin. Enfin, il a dit qu'il ne faut pas en faire tout un drame, c'est des choses qui arrivent, il ne faut pas tout monter en épingle, voilà. C'est... Mais bon, je pense que quand même, 4 défaites, dont une honteuse contre les Dallas Mavericks, je pense qu'il y a dû y avoir 2-3 mails quand même envoyés. Pour histoire de recadrer. Oui. Non, mais il y a eu un players meeting, comme ça s'appelle souvent en NBA, et comme les équipes ont tendance à le faire quand elles ont des périodes de difficulté. Qu'est-ce qui s'est dit? On sait pas trop. Jalen Brunson a dit on aurait dû la faire bien avant. Ouais. Bon, après, il était blessé sur les matchs d'avant, donc il y a un peu ce côté leadership qu'il prend, et c'est tout à fait louable. On l'a vu aussi sur le banc à un moment donné pendant le match, appeler les joueurs. On les sentait concernés. Hein, je veux dire, c'est pas parce qu'ils se sont pris une branlée que. Parce que c'est ni plus ni moins ça, une branlée, un blowout. En français, on appelle ça. Ouais, mais tu vois, ce qui me dérange, c'est que il fait son speech pour haranguer les mecs. Mais en fait, c'est les joueurs du bout du banc qui l'écoutent. C'est-à-dire qu'en fait, autour de lui, t'as Gershon, t'as Pacom Dadier, t'as Hugues Porti, t'as je sais plus qui. Enfin, mais les autres joueurs, en fait. Les 4, les OG, les Mikal, les Hart, ceux qui sont responsables, les cadres du match. Ils étaient à part, tu vois, les mecs. Et lui était assis, il expliquait le truc, un peu comme un colonel de guerre. Mais en fait, en gros, il est en train d'expliquer une tactique pour reprendre la colline. Mais à l'intendant. Au réserviste. À l'intendant et au mec qui fait à bouffer, tu vois. Et, aux troupes d'élite qui, eux, doivent partir au front. Bah, en fait, eux, ils font leur sieste tranquille et il va pas les réveiller. Donc, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Un peu à décalage. Ouais. Bon, après, c'est les parties qu'on a vues. Il y a sûrement eu des discussions aussi dans le vestiaire au moment de la pause. C'est sûr. Il y en a eu après aussi. Mais en tout cas, voilà, on sent un leader qui ne s'échappe pas. Même s'il n'a pas fait son plus grand match, c'était un match de reprise aussi. Il était peut-être en manque de rythme. Voilà, il est peut-être encore gêné aussi à sa cheville. Josh Hart aussi, qui a essayé d'apporter son énergie. Bah, sur le coup, il y a des matchs où ça passe moins, et là, ça n'est pas passé. Mais voilà, ça a été très compliqué. On s'est fait bouffer partout, notamment en transition, quoi. La défense en transition, c'est une problématique cette saison. Après, on veut jouer de la pace élevée. Et là, les Mavs, ils ont joué le jeu à fond. Il y a quoi? Il y a un moment, il y a un 34-2 ou 32-4. Il y a un déficit, un écart, on va dire, dans le match qui est très important. Bien joué aux Mavs. Hein. Eux n'avaient pas forcément besoin de gagner ce match. Ils sont plutôt dans une approche où, Davis blessé, machin, est-ce qu'il ne faut pas qu'on récupère un bon pick de draft? Ça parle aussi de move à la deadline, les concernant. Donc, eux n'avaient pas spécialement besoin de cette victoire. On leur a donné sur un plateau doré, et bah, ils l'ont pris, quoi. Et pour autant, un Cooper Flagg fait pas un match extraordinaire. C'est Doug Christie qui nous ouvre, c'est Najee Marshall qui fait des misères à la défense d'Enix, quoi, si on peut parler de défense. Ouais. Donc, waouh, moi j'étais fâché après ce match. Ouais, fâché. On le disait, voilà, on veut une belle semaine et tout. S'il y avait un match qu'on pouvait redouter, c'était plutôt le match face à Philly. On va y venir tout à l'heure. Mais ouais, là, c'était problématique. Donc voilà, on avait touché le fond. Est-ce que les Knicks allaient s'enfoncer encore un peu plus dans la crise, dans la tourmente? Bon, et ben non, ça a réagi, ça a rebondi derrière, heureusement, face à des Nets bon, qui ont fait ce qu'ils ont pu, et la réaction elle a été violente. Mais voilà, on est passé d'un très très froid, il y a un moment on est à moins 30 dans la rencontre, à un très très chaud, quasiment plus 60 je crois dans l'autre rencontre. Non, ça a été, ouais, ça a été vraiment incroyable. Le niveau des Knicks, il est pas calamiteux tel qu'on l'a vu face au MLK Day. Et il n'est pas non plus extraordinaire par rapport à ce qu'on a vu face aux Nets. Il y a un juste milieu. La vérité, elle est entre les deux. Malheureusement, c'est deux matchs qui se suivent à la maison et qui ne permettent pas de donner le niveau réel des Knicks. Voilà, donc c'est un faux semblant que de se dire ah bah, on est capable il fallait de, le de gagner. Faire contre n'importe qui et gagner contre n'importe qui. Bon, il fallait le gagner, ce match. Oui. C'était d'une importance capitale. Ce match contre les Brooklyn Nets, il fallait le gagner parce que là, tu le perdais à nouveau à la maison face à des Nets qui c'était pas possible. Je veux dire, là, il le perdait. Je me demande quand même si là, le siège de Kidja qui devait être un petit peu tiède, commençait pas à devenir brûlant sous Mike Brown. Donc, il fallait absolument une réaction. Mais alors, quelle réaction? Quelle réaction quand même. Même si c'est une victoire contre les Brooklyn Nets, on peut mettre un contexte, mettre une étoile. C'est les Nets qui sont. Quelle réaction. Record de franchise en termes de d'écart de match. Quoi. Incroyable. Donc, plus 54 voilà. Quand même. Plus 54. Ouais. Et encore, on relâche un peu sur la fin. mais oui, il y a eu une réaction. Donc il y a eu une humiliation. Il y a eu une réaction et on voulait une confirmation. Heureusement, elle a eu lieu. Mais voilà, en tout cas, ce début de semaine, très très particulier. Et tout ça nous amène, on est dans une période de trade deadline. On est aussi dans une période où il y a des critiques qui sont rapides. Et Mike Brown commence à être sous le feu des critiques aussi de ses joueurs. On peut se poser des questions de savoir s'il commence à être lâché ou pas. On sait qu'il y a de la friture sur la ligne depuis le début avec Karl Anthony Towns. Alors lui, il n'est pas tout blanc non plus dans cette histoire. Hein. Son côté grand enfant, comment tu dis, adolescent, c'est ça? Adolescent. Il nous agace et on peut le comprendre. Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il est gêné? Il s'est pas fait opérer de ses doigts là à l'été. Bah, forcément, quand tu shootes avec un doigt qui est un peu gêné, ça peut être compliqué. Mais il joue, il est en capacité de jouer. Il y a des matchs, il est questionable, mais il est quand même sur le terrain. Donc, pas d'excuses de « oui, je suis pas en forme, je suis pas à 100% de mes moyens », certes. Mais on sait qu'il y a de la friture sur la ligne. Et quand on a vu cette défaite face aux Mavs, on s'est demandé si le groupe avait pas lâché le coach, quoi. Si le groupe a pas globalement lâché le coach, quoi. Il y a rien de concret qui nous permet de le croire. Mais voilà, le player meeting, le « est-ce que la solution elle viendra du coach ?» Le coach, il avait tout son effectif. Il a eu une approche plutôt de rotation courte. Il y a le cas Gershon Yabusele, mais ça, on l'avait avec Thibodeau, avec Evan. Il y a des joueurs qui sont out of rotation. Là, c'est le cas de Gershon. Donc, c'est pas ça qui pourrit l'ambiance du groupe, quoi. C'est pas ça qui fait que le groupe perd son jeu. Parce que les joueurs qui ont leur temps de jeu, ils l'ont toujours. Et les cadres qui étaient responsabilisés l'année dernière, ils sont toujours responsabilisés. Donc oui, on veut jouer différemment. Est-ce qu'on joue tout le temps différemment? Bof. Ça dépend, par séquence, par match, par carton. Mais voilà, il y a des joueurs du bout du banc qui ont été à un moment donné utilisés, qui ne le sont moins. On pense à Tyler Colec, Maudie Awara, des fois ça vient, des fois ça repart. Bon, ok. Jordan Clarkson. En ce moment, Jordan Clarkson, on peut s'interroger de son traitement par le coach. Il avait plutôt la confiance du coach. Il y a eu un player meeting. Depuis, il n'a plus l'air de jouer. Alors, est-ce que Jordan qui croque, ça plaît moyen aux autres joueurs? En même temps, Jordan Clarkson, c'était pas non plus celui qui avait le plus gros temps de jeu. En sortie de banc, au mieux un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, ça dépend des soirs. Quand ça rentre, tu as un peu plus de temps. Quand ça rentre pas, tu retournes sur le banc. Donc... Des joueurs qui ont des hauts et bas dans une saison, c'est normal, ça arrive. Une équipe aussi. Une saison régulière, c'est un marathon. Mais là, commence à avoir des doutes, des critiques. Alors la critique, elle est facile en mode de « Ah ouais, fallait pas virer Tibbs ». De toute façon, c'est fait. C'est pas une question de « fallait ou pas virer Tibbs », c'est un fait. La question, c'est est-ce que Mike Brown, il arrive à tirer la quintessence de son groupe? Est-ce qu'il arrive à imposer des choses? On peut se poser la question. Je sais pas toi ce que t'en penses de la situation de Mike Brown, là, à mi-saison. Le début de critique, est-ce que c'est justifié? Est-ce que les débuts, le doute, ou en tout cas peut-être de Mike Brown, Est-ce qu'il arrivera à mener les Knicks là où on les attend? Il y a eu Tony Parker qui est passé voir. passé voir Mike Brown parce qu'il était du côté de Big Apple avec la fédération pour des tournois jeunes. Voilà, est-ce que c'est juste Tony Parker qui a glissé des idées à Mike Brown pour réagir face aux Nets? Tony P qui entame une carrière dans le coaching, dans la sélection. Ils se sont connus sous l'époque des Spurs, c'est ça. Mike Brown était assistant à un moment donné, comme de nombreux coachs en NBA sous l'égide de Popovich. Mais voilà, la situation de Mike Brown à proprement parler, avant de reparler des joueurs. Toi, t'en penses quoi, Seb? Elle est étonnante parce que, comme tu dis, donc dès le début de la saison, tu as quand même un joueur cadre qui dit mais moi, je ne sais pas ce qu'on veut de moi. Donc déjà, ça, c'est problématique. Et on s'aperçoit, mi-saison plus tard, qu'il ne sait toujours pas ce qu'on veut de lui. Donc soit, en fait, on se retrouve avec un joueur qui a un manque cruel de QI basket et qui ne pige pas ce que le coach veut de lui. Soit, en fait, on a un entraîneur qui s'explique mal ou qui n'a pas compris qui était, quel profil il avait sous la main et comment, en fait, il peut en tirer le mieux. Alors moi, je ne vais pas commencer à rentrer dans des débats tactiques parce que moi, je suis nul là-dessus. Moi, je vais parler juste un petit peu voilà, de relations. À l'autre, il y a des choses qui changent. De relations entre hommes. Hein. Donc, je ne vais pas être là pour commenter les choix tactiques de Mike Brown. Mais c'est quand même problématique quand tu as un joueur cadre, ton plus gros salaire de l'équipe, un joueur All-Star, All-NBA, donc ta co-star, qui te dit « moi, je comprends pas ». Et donc ça, c'est… C'est pas que de le dire, ça se voit sur le terrain. On ne voit plus. Et ensuite, il aurait commencé un peu à se murmurer, et là, on est sur un autre profil de joueur qui peut-être serait Mikal Bridges, qui aussi aurait des mauvaises ententes, ou en tout cas avec Mike Brown. Donc, faire beaucoup. Il faut que Mike Brown arrive à fédérer son groupe cadre et qu'il les arrive en fait faire comprendre. Faire adhérer à sa philosophie de jeu. Et c'est ça le souci, c'est que Yann Begley, donc le bien informé Yann Begley, a dit récemment qu'en fait, beaucoup de joueurs n'adhéraient pas au choix tactique et à l'approche tactique de Mike Brown. Donc ouais, ça c'est compliqué. Et on peut faire confiance à Yann Begley quand il sort quelque chose. C'est que oui, c'est pas du putaclic. Non. On n'est pas en train de. Puis il va pas surjouer le drama audio. Non. Et puis c'est sa réputation. Il y en a tout un tas d'autres médias qui s'en chargent. Hein. C'est sa réputation enfin, média aussi ou... qui est en jeu. Apparenté média. Mais donc c'est quand même embêtant quand ton coach signé à l'été, ben en fait mi-saison plus tard, tu apprends que les joueurs et parmi eux quand même des joueurs importants. N'adhère pas ou en tout cas ne suivent pas à 100% les préceptes du coach. Donc Mike Brown, comme on dit, sera jugé en playoff. Attention tout de même parce qu'on reviendra sur les classements, mais il y a eu du mouvement au classement. Du coup, il fallait absolument se ressaisir. Ça a été fait contre les Nets. Et c'est à ce match, moi, où je redoutais un petit peu. Il était pour moi un peu à double tranchant. Un contre le voisin, une équipe qui tanque, une équipe avec laquelle on partageait le même bilan sur les 10 derniers matchs, à savoir un 8-2. Et un 2-8, mais bon, on a compris, 8 défaites, 2 victoires. Et donc, du coup, quid de ce que ça allait devenir. Alors, je pense que c'était peut-être... je pense pas qu'il se serait fait lourder quand même dans la saison. Ça me semble un petit peu compliqué. Mais cependant, attention Mike, parce que mine de rien, ces jokers-là sont passés, sont joués. Tu les as plus. C'est quelque chose qui, si tu te foires un peu en play-off, tu n'arriveras pas lors de la réunion de fin d'année avec tes employeurs avec un bilan en disant non mais attendez, regardez, nous on a fait ça, ça, ça. Parce que eux ils vont te dire mais attendez, vous avez connu ça, vous avez fait ça, vos joueurs vous ont pas suivi sur ça, on vous avait fixé ça comme objectif, vous l'avez pas rempli. Donc en fait, qu'est-ce qui nous dit que finalement vous êtes toujours l'homme idoine pour cette mission. Donc, là il n'y a pas l'excuse que pouvait avoir de temps en temps, pourquoi pas Tom Thibodeau, de mon groupe il n'est pas au complet, j'ai des blessures. Il y a Mitch qui est là, même s'il ne fait pas les back-to-back depuis le début de la saison. Sur ce fucking match là au MLKD, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il en utilise 8. Ok. Donc le côté ouais, je vais utiliser le banc machin. Il y a eu beaucoup de défaites très embarrassantes. Parle le premier match, le second match contre Philadelphie, la défaite contre Détroit. Je me souviens plus la défaite contre Sacramento, ça arrive, on va pas gagner 82 matchs, l'objectif n'est pas là, mais c'est la manière, et surtout c'est que parmi cette défaite là tu as des raclés, et tu as une équipe qui ne défend pas, qui fait partie des mauvais élèves de la NBA en termes de défense. Donc, en fait on défend pas, alors lui il l'a dit par rapport à ses joueurs, faites votre boulot pendant 48 minutes. Ah ouais, ok, d'accord. Donc maintenant, le concept, c'est ça. C'est on veut surtout défendre pendant 48 minutes à fond. Moi, je veux bien. Et limite, c'est un peu les Knicks qu'on aime. Mais c'est pas ce vers quoi il est arrivé en début. Il nous a fait, ouais, nous, on va shooter. Nous, on va avoir de la pace. Nous, on va courir. Bah ouais, mais quand tu fais ça, tu rends des ballons. Et puis tes joueurs, est-ce qu'ils sont capables de suivre le rythme sur 48 minutes ? Même si tu utilises un peu du collègue par moment, et ce qui est un peu de moins en moins le cas en fait, voit aussi que quand on est dans la difficulté qu'il faut gagner des matchs, finalement, bon, les joueurs du banc, on a assassiné, quand je dis on, hein, je parle pas de nous, je parle de la fanbase générale des Knicks, on a assassiné Tom Thibodeau dans ses rotations. Ouais. Mais là, on est capable. Il ne passe pas assez, il ouvre pas assez, il y a trop de minutes. Mais comme quoi, tu vois. Mais tu comme veux quoi... gagner un match. Mais comme quoi, tu vois, la présentation en conférence de presse. Moi, comme j'aime à l'appeler, tu sais, un peu comme les mafieux, tu sais, qui ont des surnoms. Moi, j'aime à l'appeler Mike le beau sourire. Voilà, c'est Mike le beau sourire. Il arrive, il sourit, il enchante, il endort le poisson. Là où tu avais, comme tu dis, un peu Tom Thibodeau à bonne Gargamel, fermé, ouais. mais focus, tu vois, et pas content. Il est jamais content, je suis pas content. C'est deux styles totalement différents en termes de communication. Et en fait, si tu veux, les médias tombent dans le panneau complet en mode Tom Thibodeau, c'est un enfoiré qui fait pas jouer son banc. Mike. Voir qu'il blesse ses joueurs. Et de l'autre côté, Mike. Ah, mais non, mais Mike, c'est pas pareil. Ah, il est cool, il est sympa. Sympa. Et tu vois, en fait, et donc, t'as un vrai délit de sale gueule. Parce que là, bizarrement, t'as aucun média vent debout qui dit, mais attendez, mais en fait, c'est une rotation à 8. Mike McBride. Même équipe que l'année dernière. Alors, il y a Mitch qui est pas blessé, bon, Chamet qui revient, tout ça, mais... Et soit, en fait, t'avais du Clarkson, soit ça du Chamet maintenant qui joue, mais en fait, t'es sur une rotation à 8. Parce que c'est pas les 3 minutes de Gershon en premier quart qui changent la donne. Ou les 30 secondes de McCullough, on est d'accord. Voilà. Après, sur le papier, tu regardes la box score, tu te dis, oh, ok, il y a un tel qui a joué. Jouer, c'est significatif ou c'est pas significatif. Après, les temps de jeu sont peut-être un peu lissés... Bon, admettons. En ce moment, Mikal se fait bencher, donc ça va diminuer ses moyennes. Il pourra jouer de plus en plus de matchs, c'est cool. Bravo. Mais ouais, imagine bravo, cette situation, tu remplaces. Moi, j'aimerais bien qu'il soit plus décisif. Et tu remets Tom Thibodeau dans la même situation sur cette saison après ce genre de match, il se fait assassiner. Ah ouais. Il se fait broyer. Ah ouais. Et par tout le monde. Oui, regardez, c'est scandaleux. Ah ben la méthode Thibodeau, elle est soufflée et puis machin et puis tout. Bon. Donc moi, on a changé de coach, admettons, c'est fait. J'espère qu'il ira le plus loin possible. Moi, je faisais partie des partisans de il fallait changer, pour moi il fallait changer le coach. Donc je vais pas revenir là-dessus. Pour moi il fallait changer le coach. Et là-dessus j'étais. Mais hein, ça a été fait par la manière dont ça a été fait. Ça reste nébuleux. Est-ce que c'est téléguidé par James Dolan qui a forcé la main à Leon Rose? Mais pour moi Leon Rose est quelqu'un qui connaît très bien le basket. Et très bien les choses, je le vois pas se précipiter comme ça, en lourdant le mec sans avoir un plan B. Donc, pour moi, je reste sur... Il y a l'interrogation de ce choix. Est-ce que c'était le choix premier? Après, le problème, c'est que... Et puis après, limite, peu importe. Peu importe que ce soit le choix numéro 3, 4, 5. Il y a un moment, c'est lui qu'on a nommé. Ouais. C'est un coach expérimenté. Bien sûr, après, référencé. On va dire qu'il est référencé. Bon, il n'a pas réussi à gagner avec les Lakers. Ouais, ok, avec LeBron, ils vont en finale. Mais voilà, bon, les Kings, ça se termine pas super. Il est lâché par son groupe. Voilà, il y a aussi des interrogations sur LeBron. On verra. Bon, en tout cas, cette période ne le fragilise plus que le consolide. Ben, ouais, moi, surtout, ce qui m'embête, c'est les infos de Begley, quoi. Moi, c'est ça, surtout, qui m'embête. C'est de se dire, mais en fait, le mec, ben en fait, il n'est pas suivi par son groupe. En fait, il n'a jamais réussi à fédérer. Il a, pourtant, il a eu quand même tout le training camp. Il a du temps pour. Et toute une moitié de saison. Et en fait, c'est. Et on gagne la Cup. Et on gagne la Cup. Donc, on a une certaine forme de tant qu'on gagne, tout va bien. Ouais, mais là, on savait qu'on allait à un moment donné avoir des temps difficiles. C'est là aussi où on voit la solidité du groupe, des joueurs. Leur capacité de réaction, le coach, tout ça. C'est là où on voit aussi comment l'équipe, à quel point elle est forte ou non. Et comment dirait par chez moi. Là, on traverse une belle tempête. Hein. Et comment dirait par chez moi. Donc, c'est pas parce que là, on est sur deux victoires consécutives, contre les Nets et contre Philadelphie, qu'on a sorti le cul des ronces. Voilà. C'est à la fin du bal qu'on paye les artistes. Les musiciens, je crois, un truc comme ça. Les musiciens, ouais. Mais voilà, donc bon, on a parlé du coach. Il y a vraiment une situation qui n'est pas évidente pour lui. Il est dans le centre de la critique. Ses détracteurs sont ressortis du bois assez facilement. Ceux qui aiment critiquer et cracher sur les Knicks, ils ont du pain béni là en ce moment pour le faire. Mais c'était incroyable. Alors là, moi, je vous l'avais dit, je le savais. Tout le monde dans ce savait. Cas-là, si tu le sais, dis-nous qui va être champion NBA et puis on perd pas de temps à regarder savait. Tout ça. Quoi. Je savais que c'était un mauvais choix. Je savais que les Knicks allaient un droit dans le mur. Et de toute façon, avec ce groupe, je savais que c'était comme ça. Il y a 3 semaines, c'était tout le monde est beau, tout le monde est magnifique, on a gagné la Cup. Là maintenant, c'est je sais que l'équipe, elle est mal construite. Ah bon. Enfin bref, là les mecs, là d'un coup, les sachants, les savants sont tous là. Ils savaient tout ça, ils savaient tout à l'avance. Il savait que les Knicks allaient rencontrer une période difficile au mois de janvier, que si, que ça, que mi, que l'autre. Bon, ben, bravo. Ben, jouez au loto, les gars, j'ai envie de vous dire, parce que... Faites des paris en ligne, les mecs, faites des paris en ligne, vous devrez être super riches, on vous retrouve à Dubaï. Ou alors... C'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Mais moi, surtout, je me dis, il y a quand même des carrières de GM qui se perdent, quoi. Parce que pour avoir autant, en fait, de compétences dans la vision globale d'un groupe, bah c'est plutôt pas mal. Nous, l'année dernière, c'est vrai que des fois, ça m'est arrivé de critiquer Tom Thibodeau, mais de là à dire « oui, je sais que si, je sais que ça », non, on n'a jamais dit… En fait, la NBA, c'est comme une série. Il y a plein d'épisodes, de personnages et tout, et il y a plein de choses, plein de dramas, plein de choses qui vont changer au cours de saison. Là, en ce moment, les Knicks sont dans la tourmente. Effectivement, ça dévisse, on perd des matchs, on ne sait pas pourquoi ça joue plus bien. Enfin, on sait pas, on peut avoir des idées. Mais qui dit qu'au printemps, ça ne sera pas la réembellie des Knicks? L'année dernière, on n'était pas forcément très très confiant sur la fin de parcours. Les playoffs, ok, on perd contre les Pacers, on aurait dû les gagner parce qu'on était favoris. Il y a le shoot qui tombe, qui rebasse. Ah! Voilà. Il se passe tellement de choses, c'est une série à proprement parler, la NBA et les Knicks encore plus. On sait que la critique, elle est facile, elle est toujours amplifiée. On adore les Knicks, on exulte, ouais c'est bon, on va gagner. Redirection les finales, et puis inversement, non ouais, c'est bon, faut dégager tout le monde, faut trade. De toute façon, on n'aurait pas dû filer 5 picks pour un tel, on n'aurait pas dû trade, on aurait dû garder Julius. On verra. On est en train de suivre une histoire, une aventure, une galère, ou pourquoi pas une belle aventure, une belle histoire. Mais en ce moment, effectivement, la période est difficile et les critiques, les haters sont sortis. Et les moi, je savais, moi, je m'en doutais, mais je m'en doutais. Bah oui, ça n'a pas marché là, ça ne marchera pas là. Bah, pas vraiment possible ou pas. Enfin, pas vraiment des haters. Qui aurait dit que l'année dernière, les Cavs n'auraient pas été jusqu'en finale NBA ou en finale de conf? Et Indiana, surtout. Indiana qui ouais, fait une... ou que Boston, les deux leaders de la conf Est qui ont roulé sur la conf auraient fait des sorties de route plus tôt. Personne, ou très peu. On pouvait l'espérer, le croire, le rêver, mais voilà. Peut-être que cette saison, OKC ne fera pas le doublé, ne fera pas le back-to-back en même temps. depuis quand on change de champion tous les ans. Voilà, il peut se passer encore énormément de choses. Effectivement, la saison, c'est un marathon. En ce moment, on est dans la période boueuse d'Enix. Et si le coach est au centre des critiques, il n'y a pas que lui, il y a aussi les joueurs. Et au rayon d'un joueur qui attire pas mal de suspicions, alors des fois des fantasmes de trade, on a envie qu'il parte certains, d'autres n'en peuvent plus de le voir jouer, ou ses mimiques, c'est Karl-Anthony Towns. Karl-Anthony Towns, ouais. Il est dans le viseur des critiques, ouais, à juste ouais. titre. Hein, ouais. En ce moment, il n'est clairement pas à son niveau All-Star tel qu'il pouvait être un peu indiscutablement la saison dernière. La photo joueur, la photo coach, la photo 2, on sait pas. Mais en tout cas, en ce moment, c'est très compliqué pour lui et bah, tout le monde l'envoie un peu à droite à gauche. Alors, par moment, il y a des pseudo-rumeurs de trade. Par moment, il y a des... Non, mais de toute façon, les Knicks n'ont aucune intention de le trade d'ici la deadline. Difficile d'y voir un peu clair dans tout ça. Certains l'envoient à Charlotte, certains l'envoient au Magic, certains l'envoient à Milwaukee. Pourquoi ? Bah, il y a un Grec, hein. Bon, il y a un Grec qui vient de se blesser. Bon, c'est pas forcément toujours très très crédible tout ça. Il y a beaucoup de fans qui peuvent plus. Karl-Anthony Towns, il a un body language particulier, atypique. Il en fait des caisses. Il se prend des fautes offensives et c'est difficile de les accepter, mais il prend aussi des vents en défense. Bon, c'est très compliqué la saison que vit Karl-Anthony Towns. Bah, une question toute bête que je vais te poser, Seb, à la deadline. Karl-Anthony Towns, c'est toujours un X ou pas ? Ouais. Je ne dis pas contre où il part, mais pour toi, il reste, il est toujours là, on finit la saison avec ? En fait, j'ai envie de te dire, tout est lié à Giannis Antetokounmpo. C'est pour ça que là, tu as le marché qui est hyper à l'arrêt. Il n'y a aucun move qui sont faits parce que je pense que toutes les équipes attendent de voir et ça va s'exciter. Et je pense que ça va vraiment s'exciter dans les dernières heures quand vraiment ils se diront ok, bon là c'est mort, Giannis ne bougera jamais, donc on verra à l'été, ou là ça va faire tu sais un feu artifice, ça bim bam lui par là bam bam bim bam. Mais je pense que si Towns doit bouger, c'est uniquement pour Giannis. S'il doit y avoir Giannis qui doit être fait, évidemment, hein, parce que maintenant on a des rumeurs aussi qui envoient Mikal à Portland, comme quoi Portland aime beaucoup Mikal et que donc ça faciliterait le trade pour faire venir Giannis au Knicks. Mikal, il leur avait mis un buzzer beater la saison dernière, donc c'est peut-être ça qui a marqué les esprits du côté des Blazers. Mais pour moi, Karl-Anthony Towns est un Knicks à la fin de la saison. Et mais je pense que tant qu'on aura Karl-Anthony Towns, je suis pas certain qu'on puisse espérer quoi que ce soit. On l'a vu encore avant-hier. Contre un pivot expérimenté, type MVP, se fait détruire. Et le truc, c'est que je pense pas que avec Towns en pivot titulaire d'une équipe, tu peux nourrir une quelconque ambition pour gagner. Ça c'est mon avis sur le mec. Je pense qu'il est fort avec les faibles et faible avec les forts. Et dès qu'en fait on a un pivot qui lui rentre dedans ou un système qui, en fait, il n'arrive pas à trouver les solutions et tout de suite ça chiale, tout de suite ça pleure, tout de suite ça réclame des trucs. Et le problème, c'est que lorsqu'il est bien pris en attaque, il n'arrivera pas quand même à compenser par sa défense. C'est plutôt l'inverse. Peut-être sa défense faiblarde qui était compensée par une attaque. Ouais. Mais là, quand l'attaque va plus, bah oui. Et bah, du coup, et ça fait... Ce côté, fait ce joueur plus, qui chiale, on en a d'autres dans la ligue, mais ça commence à agacer. Un, son coach, bon, ça, voilà, on a compris que ça passait pas entre les deux, mais aussi ses coéquipiers. Ah, on a vu Josh Hart qui était, allez, vas-y, relève-toi maintenant. Donc, pour moi, il est là. Pour moi, il bouge pas. Hormis gros trade, comme je te dis, pour moi, pour Giannis Antetokounmpo, s'il venait qu'à partir... Et encore, moi, je me dis, moi, par quel montage ? Parce qu'il faut bien, voir, j'avais fait un tweet là-dessus, sur un peu l'état de nos finances, de nos réserves de pic. Actuellement, les Knicks, le problème, c'est que donc tu as un pic une année sur deux. Et en fait, tes pics, tu peux pas les échanger, puisque selon la règle, c'est du swap au mieux, quoi. Ben c'est ça, selon la règle, en fait, stepienne, t'es obligé de drafter une année sur deux. Donc actuellement, le seul pic que tu peux mettre dans la balance, c'est celui de Washington qu'on a, qui est protégé 1-8, mais qui a pour l'instant, encore aujourd'hui, est un pick de premier tour, mais qui risque de se transformer en second tour. Mais après, sinon, 2026, donc, on a le nôtre, et on a celui des Wizards. 2027, il est à Brooklyn. 2028, c'est un swap avec les Nets. 2029, il est à Brooklyn. 2030, il est chez nous. 31, Brooklyn. Et 32, chez nous. Voilà. Donc, on n'a rien à envoyer. Donc, il faudrait... C'est pas via il faudrait arriver... draft qu'on pourra attirer... Non, et il faudra arriver à créer du pic. Et tu te dis, mais pourquoi dans ces... Si demain, Giannis Antetokounmpo bouge des Bucks... Donc eux là c'est plus le bouton rouge, c'est l'énorme bouton, je sais pas comment on peut appeler ça. Ils vont vouloir quoi? Comme toute équipe qui veut se relancer. Ils vont vouloir Joueurs jeunes et des picks de draft, ouais. Du talentueux, du pick de draft, voire du joueur avec du contrat expirant pour créer de la flexibilité. Et là, Karl Anthony Towns, ils rentrent pas vraiment dans ces critères-là. Okay. Les Knicks non. Aucun tour de draft à envoyer. C'est plus pour matcher les salaires en se disant, bon, on échange un joueur intérieur contre un joueur intérieur. Les Knicks n'ont aucun joueur à envoyer. On ne peut pas dire non plus qu'on a du jeune talentueux. On n'a pas du jeune talentueux. Tu vois, ce n'est pas comme il y a une époque où on avait du Grimes, du Quickly, du Barrett, tu vois, enfin, du Hobby. Tu vois, t'avais du jeune talentueux. On arrive avec des joueurs qui ont de l'expérience, qui sont un peu vétérans. Et avec des salaires. Donc, pour moi, ce trade de Giannis aux Knicks, ça fait parler, mais je ne vois pas par quel montage, en fait, on arrive à le faire. Donc, là, sa blessure, est-ce que c'est une blessure diplomatique ou pas? Il commence aussi à s'agacer de sa situation. Ouais, même s'il a dit avant, moi, jamais de la vie, je demanderai mon trade. Ouais, mais alors, il y a eu des déclats dans la presse où il a allumé ses joueurs, il a allumé le front office, le coaching staff, où ça moi, je demande pas mon trade. Par contre, je vous insulte tous vos mères, quoi. Ah, vous voulez me trader? Je crois qu'il attend qu'on le foute dehors. Pour un mec qui va, il va dans le bureau du président, il chie dessus, quoi. Fait, ouais. Faute grave, comment ça? T'as plus d'humour. Mais je pense que... Voilà. Je pense qu'il regrette sa déclaration à base de « jamais de la vie, je demanderai mon prix ». Non, parce toujours que, un Bucks. Après, tu sais, les mecs, ils ont aussi une image. Donc, et je suis d'accord. Il y a storytelling, mais alors, des choix de Giannis et des clats, ils sont un peu… Comme je dis, et après, par contre, je suis d'accord avec ce qui avait été dit dans le basket session, le CQFR, il y a quelques jours, où je crois que c'était chez eux, d'ailleurs, où en fait, ils disaient que, quelque part, ça ne serait pas étonnant s'il y avait une communication des Bucks qui disait d'un commun accord avec le joueur, ouais. On a décidé qu'il était bien pour lui et pour la franchise. Soit. Mais tout ça, c'est pour faire passer la pilule. C'est pour faire passer la pilule si, au moment du départ en disant « Ah, c'est à crève-cœur que je pars, quoi. » Pour éviter le côté d'autres joueurs qui ont tourné le dos à leur franchise de toujours. Parce qu'ils étaient dans une impasse et voilà. Dans ce cas-là, fallait pas rajouter, en faire des caisses. Et des fois, Giannis, il est un peu lunaire sur ses déclarations. Sous couvert de franchise, d'honnêteté. Ah, je pense que des fois, peut-être son anglais, pas de langue naturelle, qui fait qu'il s'emballe sur certaines phrases, formulations. Bref, merde, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Trop tard, c'est dit. Mais bon, voilà, à voir. Et puis, les pépins physiques. Giannis, c'est vrai, c'est pas ça commence à s'accumuler, ouais. Ça commence à s'accumuler, ça tombe jamais au bon moment, et puis bah, ça ira peut-être pas de mieux en mieux avec l'âge. Et il commence à en avoir pas mal. On verra pour lui. Allez, on essaye de finir cette séquence de façon assez courte, oui ou non. Gershon Yabusele, c'est toujours un X après le 5 février? Non. Je te demande pas sa destination, c'est oui ou non. Non. Paco Mdadié? Non. Non. Jordan Clarkson? Je sais pas. Je sais pas, ne se prononce pas. Mikal Bridges? Non, c'est pas je ne se prononce pas, c'est je sais pas. Il est clairement c'est en rotation. Oui, non. Il est clairement en dehors de la rotation. Tant qu'il a encore une valeur un peu marchande, je pense qu'il faut pas hésiter si tu as des offres ou dans un package. Mikal Bridges? La même. Ok. Deuce McBride? Non. Mitchell Robinson? Non. Deuce McBride, il part, il est plus Onyx? Si, il est Onyx. Non, il part pas. Il part pas. Ok. Soyons bien clairs. Et Mitchell Robinson. Je pense pas qu'il parte. S'il doit partir, ça serait. Je le verrais bien partir à l'été et essayer de s'arranger avec lui sur un sign-in trade. À voir, parce que si tu arrives en fait à faire partir cet été Karl Anthony Towns, je pense que cet été, selon voir comment ça peut tourner, Towns peut partir, mais du coup pas dans un trade qui peut amener Giannis. Dans ces cas-là, tu auras la flexibilité pour le re-signer, mais actuellement, tu n'as pas l'argent pour le re-signer. Donc soit en fait, tu as une offre que tu ne peux pas refuser ou dans un package et pour te faciliter un trade, et dans ces cas-là, il part. Soit tu essayes cet été de voir avec lui, parce que je rappelle, un sign and trade, il faut que ce soit un accord avec le joueur. Le joueur peut dire bah non, moi je suis libre, moi je me casse. Donc il peut faire un geste. Tu as une équipe qui dit ok, ça s'entend avec l'équipe et ça fait un sign and trade. Mais sinon, je suis un peu pessimiste sur l'avenir. Ah bah c'était oui ou non, il reste. La réponse est étoffée. Bon, je te la fais en cours, moi. Gershon, pour moi, ça va partir. Pacom aussi, Clarkson, je pense aussi que Clarkson part. Deuce, ça reste. Mikal aussi, Mitch aussi et Kat aussi. Ouais. Après, qui arrive, ça, j'en sais rien. Mais je pense que effectivement, les joueurs qui ont une faible valeur sportive dans l'utilisation qu'en fait Mike Brown aujourd'hui et risquent d'être sur le départ. C'est pas les Clarkson, joueurs. Malheureusement, la tendance n'est pas bonne pour lui. Il pourrait faire les frais de cette mauvaise place. Mais du coup, quel désaveu pour l'été. Bah, on s'emballait un petit peu sur « Ah, c'est cool, le banc a été renforcé. » Alors après, c'est des prévisions. Si je devais faire un pronostic, je me gourre peut-être Vision de la trade deadline. Je le partage avec toi et c'est vraiment les rumeurs qui sont les plus chaudes. Donc à un moment donné, comme on dit, il n'y a pas vraiment non plus de fumée sans feu. Donc, Non, et puis on voit qu'en termes de banc, Chamet, il fait le taf. Il est revenu, il revient et il est plutôt très bon. McBride, c'est parfait. Mitch, bah, il fait le boulot dans ce qu'on lui demande. Il n'y a que sa situation contractuelle qui interroge. Et puis sa santé, les back-to-back. Mais sinon, du coup, on a nos trois joueurs de banc. Là. Et après, tu as des petits jeunes. Et après, tu as des petits jeunes qui peuvent combler des trous. Les Diawara, les Portis qui dépannent aussi. Donc, en fait, tu n'es pas obligé de finalement d'avoir ce genre de contrat sur le banc. Donc, oui, ce sont des assets bougeables facilement. Voilà. Mais donc, voilà, on est d'accord. Les 4, les gros moves. Les Knicks, là, ils sont pas dans un mode. Même si on n'a pas bien joué, si ça régresse au classement, il n'y a pas raison de tout casser. L'équipe n'est pas mal construite. Je veux dire, il y a des postes qui sont doublés, il y a des joueurs qui sont polyvalents. Après, est-ce qu'on a misé sur les bons chevaux? Ça, c'est une autre question. Est-ce que Jalen Brunson, c'est un joueur qui peut emmener au titre? Ok. Est-ce que Kat, c'est un joueur qui peut emmener au titre? Ça, c'est d'autres questions. Dans la Ligue, quels sont les joueurs sur lesquels on peut aller au titre et sur qui il faut miser? Si on le savait à l'avance, je pense que tout le monde miserait dessus. Est-ce que Giannis, c'est encore un joueur qui peut emmener au titre? C'est une autre question. Mais voilà, en tout cas, on voit plus, on pressent plus à voilà, une semaine et demie de cette trade deadline. On va arriver vite. Mouvement plutôt d'ajustement. Et ça va arriver très vite et on y sera. Affaire à suivre. Allez, vous vivez la deadline à New York. On ira chercher qui de droit à JFK. Ça peut être sympa la Guardia. Ça peut être très sympa à suivre. J'ai jamais vécu une trade deadline là-bas. Ouais. Mais il y aura peut-être des moves avant. On verra qui sera en tenue ou pas. On va surtout scruter les échauffements de joueurs, hein, parce que ça, des fois aussi, c'est un petit peu révélateur. Bon, les matchs, on va faire une rapide revue dessus. Le match de WKD, on en a beaucoup parlé, donc on n'en parle pas. Même les Nets, on en a parlé. Nets, ça rebondit et ça a très bien rebondi. Très bien. Des fois, quand on touche le fond, on s'est crashé violent. Ah, bah on a rebondi haut. Après, la question, c'était... humiliation, réaction, est-ce qu'il y a confirmation? Le match important, c'était le match face aux Philadelphia Sixers. On a eu un beau match. Moi, j'ai trouvé... Alors, c'est un match suspense, accroché. Bon, en même temps, il ne fallait pas s'attendre à humilier de 50 ou 60 points. On se le rend en suspense. Hein. Déjà, on a une... C'est difficile à admettre, mais on a un bon début de match de Joel Embiid. Qui a fait la chanson. Non, mais Joel Embiid, ça, il retrouve. Après, on aime et n'aime pas le bonhomme. Moi, je suis pas fan du bonhomme. Il retrouve un niveau, il retrouve des jambes, il retrouve. C'est un pivot dominant quand il est en santé, quoi, en fait. Il a cette capacité de shooter de loin, il a ses moves. Là, il va nous claquer ce Thomas dans la raquette. Alors après, ils se sont relayés hein, dessus hein, pour essayer de défendre. Kat, on voyait que ça faisait pas le poids. Ça n'était pas vraiment une confirmation. OG a bien défendu. Dans le dernier cas, Ouais, dans le dernier quart, ouais, tu as bien défendu sur lui. Mais il y a peut-être aussi un côté Embiid très fort sur ce dernier moment, là, et puis sur le match face Onyx, mais aussi précédemment. Mais est-ce qu'il tient la longueur? Est-ce qu'il tient la durée? Il y a peut-être un peu de ça aussi, au moment où, en fin de match. Dis-toi que... Heureusement pour nous. Non, mais un jour ou deux jours avant... Il gagne en prolongation, il joue 46 minutes et ouais. il fait 33 points, 10 triple double, 15 rebonds. Il est en triple double. Ouais. Donc, il y avait ça dans, pour un mec comme ça, il y avait ça encore dans les pattes. Load manager et tout. On le retrouve avec plus de forme, plus de mobilité. Attention, voilà, il devient un pivot dominant. Attention, les Sixers. Moi, tu sais que les Sixers, ça va être pour les playoffs. Pour moi, c'est vraiment l'équipe. S'ils restent en santé, c'est l'équipe épouvantail. C'est l'équipe épouvantail. Ouais, parce qu'il y a un bel effectif. Paul George qui est plutôt discret, mais bon, c'était jamais un playoff P, ça pourrait faire du mal. Bon, en tout cas, voilà, c'était une belle affiche. Les Knicks avaient perdu deux fois contre les Sixers, donc c'était à la maison. Encore plus attendu. À la maison, effectivement, là, les deux matchs qui se jouent, donc celui de la semaine dernière et celui le prochain qui se jouera, se feront à Philadelphie. Donc c'était un match où on attendait du sérieux, de voir un petit peu quelle combativité, qui allait tirer son épingle du jeu côté Knicks. On a eu un bon Jalen Brunson. En même temps, on a souvent un bon Jalen Brunson. Il a été défendu. Il a été. Le dernier quart, moins de clutch. Les pourcentages, on peut peut-être en discuter un peu, mais quand même, 31 points à 6 sur 12 à 3 points. Il a fait le boulot pour nous faire gagner. Mais ce que je dis juste, c'est. Le dernier quart, mauvaise décision, perte de balles. Là où on le sentait clutch avant, on a joué avec le feu, les arbitres ne nous ont pas spécialement aidés par certains coups de sifflet. On a dit, quand même. Et voilà, oui, ça aurait pu très mal finir cette histoire. Mais en tout cas, au regard de sa ligne de stats finale, et du temps de jeu passé, et de son leadership et tout, 31 points en 31 minutes, 6 sur 12 à 3, 6 passes, 5 rebonds, ou 5 rebonds, 6 passes. Non, c'est ça, 6 passes, 5 rebonds. Voilà, JB, on a pu compter sur lui. On a aussi pu compter sur OG Anunoby. OG qui était dans un bon soir. Hein, dans un soir où il a attaqué le cercle, il a mis ses pommards qui font plaisir. 7 rebonds également pour lui. Plus une défense très très honorable en fin de rencontre sur un Joel Embiid lorsque Mike Brown tente du small ball. Hein, ben voilà. Moi j'ai entendu dire dans la semaine et ça m'a... Je suis pas plus grand fan de Mike Brown. Mais le côté il tente rien, non, je suis pas d'accord. Enfin, cette saison, il peut tenter, ça marche pas. Il peut tenter, mais pas suffisamment. Mais dire qu'il tente rien, non. Là, il tente du small ball, il nous a tenté des Modiawara dans le 5 par moment, il nous a tenté du Macular par moment. Non, c'était peut-être parce qu'il y avait des blessures. Il a tenté du Kolek. Il tente du Chamet. Par exemple, le match contre les Spurs en Cup, là, quand il envoie du Josh Hart à défendre sur lui, il décide de bencher Kat, c'était contre Michael Portland, ou Kat, contre Portland parce que ben machin, et donc il décide de le bencher pour envoyer. Enfin, non, je trouve que justement, il hésite même pas si, dans. Même si on n'a pas une rotation à 10-12 joueurs par soir. Même 10, ça serait bien. Non, on reste sur un effectif court, mais ils tentent des choses. Alors, des fois, c'est des micro-expérimentations. Des fois, ça marche, ça marche pas. Comme Gershon, parce que c'est souvent par le prisme de Gershon, on dit bah là, il a mis ses deux paniers, pourquoi il joue pas plus? Bah ouais. Mais un coach qui tente pas, non, je suis pas d'accord. Enfin, avec Mike Brown, après, on aime, on aime pas. Les résultats sont là, sont pas là. La philosophie de jeu, c'est pas ce qu'on voulait, peut-être, admettons. Mais qui tente pas, c'est pas la critique que je lui adresserais en pensant à ça, moi. Enfin en pensant à Mike Brown. En tout cas, voilà, il a tenté ce small ball en fin de rencontre, là où on commençait à avoir un momentum qui revenait plutôt côté Philly et qui commençait à faire du Telenix. Et ce small ball, bah, finalement, il a payé, quoi. Finalement, il a payé. Alors, c'est ric-rac, hein. La victoire, elle est assez courte, hein, 112 à 109. Et puis, avec des arrêts de jeu, des jump balls, des trucs un peu bizarres, un peu des décisions what the fuck, un match qui voulait pas se terminer, quoi. Ouais. Des challenges, des... Ouais, des... On est à plus 8, je crois, presque à la fin. On se dit, c'est bon. Le 3 points de Maxi, là. On met deux jolies bombinettes avec OG et Chamet. C'est pas mal, là. Et là, derrière Maxi, qui nous met le 3. Et puis ensuite, la remise en jeu foireuse de Hart pour JB qui est trappé. Alors, il avait le pied sur la ligne, je crois Maxi ou Vijay Scombe. Donc bon, normalement, il n'aurait pas dû avoir un duel entre deux. Mais bon, il y a l'entre deux derrière, la faute, on prend, ils reviennent. Nous, enfin, c'était fin de match. On s'est fait louper, des trucs. Il y a eu beaucoup de choses, on s'est rendu la vie dure. Des histoires alors de faute aussi, pas sifflées pour les Knicks. Enfin, ouais. Des Knicks pas sifflées pour Philadelphie, je pense, à celle de Chamette. Et puis la toute dernière, qui n'est pas vue, mais on voit en fait JB qui tape un petit peu le bras, mais ça se voit pas d'Embiid, mais bon, il reste rien. Mais non, ouais, non, on le prend. On le prend, dans ce contexte, c'était très important. Dans cette rivalité, c'était la Rivalry Week en plus, eh bien, c'était très bien. Et puis, on a su réagir, enfin, du moins, on a su courber le dos le temps que semaine, Joel Embiid fasse. S'il y a une semaine, ce match, tu le perds. Même, y a, ouais, la semaine dernière, ce match. Tu le perds. Ouais. Donc, voilà, c'était rassurant, enfin rassurant, de se dire, c'est bon, les Knicks, ils étaient pas dans les joueurs n'étaient pas dans la meilleure période du moment, mais ils ont su réagir, ils ont de la fierté, ils ont de la combativité quand même. Avec un mauvais Mikal, qui a fini, d'ailleurs, il a fini, il faut savoir qu'il a fini aux urgences, je sais pas si tu es au courant, mais... Ouais, bah oui, parce qu'en fait... Sérieusement ou c'est une connerie? Il a fini aux urgences sur une otite. Tellement en fait qu'il a pris de courant d'air de la part de Maxi, que ce soit sur les backdoor, en un contre un. Il ne serait pas bienvenu en Bretagne. Je l'ai vu à un moment donné, comme ça, il se grattait l'oreille. Je sentais que ça le. Et donc, un mauvais Mikal, un mauvais Kat, parce que Kat a été horrible. Ah, les passages en forte, les fautes, il finit fallout, il tient pas la baraque face à Embiid sur ce match. Et t'arrives, malgré tout, à battre Philadelphie, qui était une équipe qui s'en était avait un peu le vent en poupe. Ben, moi, quelque part, j'ai lu que c'est pas rassurant. Et ben, ça m'a plutôt rassuré, en fait. Moi, ça m'a plutôt rassuré. Il faut savoir gagner des fois des matchs quand t'es dans la difficulté. Et là, le groupe, il est resté quand même soudé. Ses coups de coaching, parce qu'il y en a quand même, ses choix de coaching. Clarkson qui joue pas, Mikal qui est benché, et Kat qui est fallout. Donc forcément, tu termines sur le banc parce que tu peux plus jouer. Ouais, il a fallu trouver des solutions. On a un très bon Mitchell Robinson aussi sur cette rencontre. On n'en a pas peut-être suffisamment parlé. Chamette, il revient très bien. Et Chamette, là, c'est deux matchs coup sur coup, superbe. Sa défense est franchement correcte. Il a joué pour les Nets, il a joué pour les Sixers, peut-être qu'il... Je sais pas. Mais il nous fait du bien, franchement. Et je le trouve vraiment... Et puis c'est important parce que... Alors que sur cette rencontre, Juice, c'est pas son meilleur soir, clairement. 1 sur 8 à 3, 3 sur 11 au shoot, et c'était un petit Juice pour le coup. Mais oui. On a des joueurs qui ont su rester solidaires quand même dans l'adversité. Et Philadelphie, c'était pas évident parce qu'on a un beat dominant en ce début de rencontre. Maxi, peut-être un peu plus en retrait, et tant mieux pour nous. Vijay Scombe, qui pareil a des flashs, mais a pas été aussi imprégnant. Kelly Oubre Jr., qui a posé quelques difficultés aussi. Donc c'était une belle confrontation, une belle affiche. Peut-être des équipes qui se retrouveront en play-off, et ça pourrait nous faire une belle série, tout ça. Donc on verra, hein, chaque chose en son temps. Mais voilà, c'était mieux de terminer par cette victoire en viewing party, après cette semaine très compliquée qu'on a vécue. Et donc, pour finir la rétrospective, on va désigner un petit joueur de la semaine. Alors, c'est pas souvent son tour, quoique il a quand même été honoré. C'est pas Karl Anthony Towns, c'est pas Mikal Bridges, c'est pas Gershon. Cette semaine, on a décidé de remettre la couronne à celui qui, en ce moment, porte le casque de chantier. C'est Mitchell Robinson. Parce que même dans la débâcle, le match humiliant face aux Mavs, c'est lui qui s'en sort mieux. En double-double 15 rebonds. Il est en double-double, on lui gâche encore ce match-là, quoi. C'est pas cool. Franchement, pour un mec qui aime la country... À chaque fois qu'il sort une perf offensive, on lui gâche le... Comme ces matchs là où il mettait ses lancers francs et tout, on est capable de perdre, quoi. C'est pas cool. Donc Mitch, est-ce qu'il finira sa saison au Knicks? Nous, on a dit que oui. Dites-nous en commentaire si vous le pensez aussi. Est-ce qu'il sera prolongé? Est-ce qu'il sera pivot titulaire à la place de Mitch? C'est les Knicks. Peut-être pas non plus. C'est le plus vieux Knicks. Ouais, avant Juice. Donc c'est le doyen. C'est le doyen. Donc non, dans son registre de jeu, et puis aussi par rapport à sa défense, il apporte des choses, il apporte du rebond, des secondes chances, on en a besoin en ce moment, parce que les tirs rentrent pas tout le temps, donc c'est bien d'avoir le petit rebond pour, euh, pour pouvoir retenter un coup. Et puis voilà, ouais, quand il y a des défaillances de 4, et en ce moment c'est compliqué, alors il apporte pas la même chose sur le terrain. Des fois les deux sont associés, ça marchote, c'est pas beaucoup, on les voit pas, c'est pas une association qu'on voit de nombreuses fois, mais voilà. En tout cas, Mitchell Robinson, c'est notre Mitchell Robinson, Mitchell Robinson, et Onyx, depuis la saison 2018-2019, il avait 20 ans. Coach, il avait, Il avait 20 ans, t'imagines? Ouais. Qu'est-ce que tu faisais toi à 20 ans? Bah, moi j'étais Onyx. Ouais. Attends, juste, est-ce que tu te rappelles le roster des Knicks en 2018-2019? Tu veux vraiment qu'on parle de ça? Il y avait Alonzo Trier, Déjà, Kevin Knox. Bilan 17-65, déjà. Damien Dotson, D-Dot. Ouais. Moudier, Frankie. Ouais. Ezonja, il était là, c'était cette saison-là? Il était là, Mario Ezonja était là, Kevin Knox. Noah Vonleh était là. Ouais. Alonzo Trier. Oui, Alonzo, Isoso. Lance Thomas, le capitaine. Oh, Lance Thomas, effectivement. Et ouais, Luc Cornett. Champion NBA, Luc Cornett. Eh oui, bien sûr. Et Nes Freedom. Ah, voilà. Ouais, c'était une sacrée équipe. Bah écoutez, ouais, on vous rappelle des images de prochainement. Non, mais tu vois, il y a des petits contenus flashback vintage qui reviennent. Et j'ai revu cette équipe. C'est mine de rien, c'est bah, tu vois, depuis 2018-2019. Donc c'est quand même un joueur qui a connu beaucoup de choses avec les Knicks. Le très bas comme les belles dernières années. Le plafond l'a atteint. Mitch, ça progressera plus. Éventuellement un peu mieux au lancer, mais bon, ça, il va falloir en shooter plus pour. Mais il a progressé au rebond. Il a vraiment progressé au rebond. C'est la gestion des fautes aussi. C'est quand même un mec qui, sur les premières années, était à 6-7 rebonds. Et là, maintenant, quand même, il flirte avec les 10, tu vois. Donc, oui, les blessures sont toujours là, évidemment. Voilà. Déjà, là, maintenant, il a joué plus de matchs. Il a joué quand même plus de matchs que la saison 2024-25 et 2023-24, déjà. Je ne voudrais pas lui porter l'œil, je touche du bois. On lui souhaite surtout que la santé tienne, parce qu'on voit qu'il peut être utile et en régulière. Mais, offensivement, il pèse pas peut-être par les points, mais il pèse par sa présence au rebond, et c'est hyper important. C'est un homme long. C'est le meilleur long rebond segment offensif de la ligue, hein. Enfin, il faudrait qu'on vérifie. 4,9 rebonds offensifs. Oui, c'est le leader. Il se place dans cette catégorie-là. Oui. En tout cas. Ouais, c'est le leader. Il l'avait été déjà en 2022-23. Il avait avec 4,5 rebonds offensifs. On verra ce que les Knicks décident de faire de Mitchell Robinson. Peut-être que d'ici notre prochaine vidéo, il ne sera plus un Knickerbocker. Et c'est en ça où, quoi qu'il arrive, on n'aura pas oublié de l'honorer, de le remercier. Et cette semaine, et au regard de sa semaine plutôt solide dans son registre, eh bien pour nous, c'est le Knick of the Week. Voilà. Et on ne perd pas de temps. Maintenant qu'on a parlé du passé, on parle de présent et de l'avenir. On regarde ce qui se présente pour nous sur ces deux semaines pour les New York Knicks. Allez, let's go. Et oui, Seb travaille son anglais avec Duolingo et avec Avenix Week. C'est cool. Okay. Fais un peu du franglais des fois. Excusez-moi. C'est plus, ouais, c'est plus du franglais, mais bien franglais. Hein. Ah, oh. Fauchure. Oh merde, attends, elles sont où mes Ray-Bans? J'ai pas, ouais. Ouais, je vais voir si en me déplaçant à Washington, j'ai besoin de Ray-Bans ou d'un masque de ski. En tout cas, va falloir se couvrir les yeux aussi. Couvrons-nous les yeux ou pas? Regardons le classement de cette conférence Est. Mais ils sont où, les Knicks? Là, ils sont où? Ça a glissé, chef. Ah ouais, j'ai chuté, chef. Bah, ouais, t'as raison. Oh là là. Toujours numéro 1, les Detroit Pistons. Mais ouais, 11. À un moment, on n'était pas très loin d'eux. Bah, c'était avant. Maintenant, ils nous ont mis un petit coup d'accélérateur. Ou alors, on a tiré comme des cons sur le frein à main. Et on s'est arrêté sur la route. Boston s'est repassé devant aussi. Mais il y a aussi maintenant les Toronto Raptors. Alors, bon, ça va se jouer. Ça va peut-être se rééquilibrer au regard des matchs à rattraper. 4 victoires consécutives. Dont cette nuit, ils ont tapé Oklahoma City Thunder. Qui maintenant est à 10 défaites et peut dire au revoir, évidemment, au record des Warriors. Exactement. Tant mieux pour eux, peut-être, ça va leur enlever une distraction. Mais peut-être qu'aussi la saison, elle sera moins. Et avec un Quickly qui, sur les derniers matchs, là, est en feu, mon petit bébou. Oh, il ça fait plaisir. Ah, ouais. Il est sur les rumeurs de trade, lui. Il est sur les tablettes, sur les rumeurs de trade avec Ardy Barrett, d'ailleurs. Voilà, on verra ce qui va se passer d'ici là. Est-ce qu'ils seront toujours au Canada ? Affaire à suivre. Mais voilà, les Knicks qui sont quatrième et qui revoient derrière eux les Cavs. Les Cavs qui étaient plutôt en galère en début de saison, qui reprennent un petit peu du poil de la bête. Est-ce que si Mike Brown termine quatrième de la saison régulière, ça sera une saison régulière réussie pour les Knicks ? On aspire quand même à mieux. Hein. Il va falloir remonter. Alors, l'avantage du terrain, c'est bien. Là, ça nous ferait un premier tour face aux Cavs. Eh ouais, on les connaît bien. Pas, mais quand même, on aspire à autre chose. On aspire à autre chose. Philadelphie, du coup, est sixième. On a bien fait de gagner contre eux. Ça aurait évité de les voir aussi un peu plus se rapprocher de nous. Ouais, ça aurait été. Après, dans le play-in, on a un petit duo d'équipes de Floride, le Miami Heat et le Magic. Magic compliqué cette saison. Hein. Ils sont sur trois défaites. Les équipes qui étaient attendues haut, ça confirme pas les attentes, en tout cas des pronostiqueurs. Chicago, Atlanta, Chicago est à 23-22. Est à 23-22 avec 4 victoires consécutives des Bulls, dont la dernière en date qui s'est faite sur un buzzer beater pour honorer le retrait d'un maillot de D. Rose. D'ailleurs, c'est une cérémonie très touchante parce que tu sentais qu'il y avait quand même une sacrée équipe qui était justement fédérée derrière Tom Thibodeau quand tu vois justement comment leur leader parle de Thibodeau et comment lui, il parle du groupe. Cérémonie animée par Joakim Noah où en vedette, il y avait donc Lou Holdings et Taj Gibson qui étaient venus parler donc, du numéro 1 des... Et la photo où tu as tous les anciens là, des Bulls de cette période-là, elle te file quand même aussi un petit coup de vieux, mine de rien. Hein. Quand tu les vois tous là, tu fais ouf, un petit coup de vieux. C'est pas notre équipe de cœur, les Bulls. C'était une équipe marquante, une franchise marquante de la NBA, de l'histoire, hein, la dynastie de Jordan. Mais qui était pas si loin que ça, finalement, tu vois. Mais qui était en train d'un petit peu monter et pourquoi pas chatouiller les espoirs de titre à gogo, not one, not two, not three, hein, vous vous rappelez. Des tres amigos, et oui, on parle aussi en espagnol sur. Et les confrontations, Joakim Noah, LeBron James en playoff, c'était toujours des pépites, ça s'invectivait pas mal. Et puis des joueurs qui sont passés par New York après, et puis l'histoire avec Tom Thibodeau, effectivement, il y a beau succès pour eux sur cette soirée, c'est jamais évident dans des soirées un petit peu où on honore quelque chose, des soirées particulières, d'arriver à gagner, ils ont gagné, tant mieux. Tant mieux, et puis ça fait un petit peu le... Parce que c'était contre les Celtics, hein, c'est ça, hein. Ça peut nous aider à, pourquoi pas, à remonter, si on regagne quelques matchs, vers ces Celtics. Donc merci, pour le coup, D-Rose et les bandes des taureaux, là. Hein. Bon, et puis voilà, après le reste de la conférence, vous le voyez, les Wizards, on va se rendre chez eux. On peut espérer avoir une affiche pas trop compliquée pour au moins... Indiana s'est remonté, et Indiana aussi a tapé OK ici dans les dernières semaines. Indiana, ça remonte. Tout est possible dans cette ligue. Brooklyn, là, est sur 5 défaites consécutives. Et puis, eux aussi, ils sont concernés par la deadline pour Michael Porter Jr., pour Nick Claxton. Notamment, ce sont les deux gros noms qui circulent pour bouger. Cam Thomas aussi. Donc, je pense que là, ça va. La salle ? Non, je pense pas. Non, mais je pense pas. Mais je pense que là, ça va. Et donc, ils vont vraiment plonger. Et tu penses qu'on peut leur refourguer Mikal ou pas? est-ce qu'on échange Mikal Bridges contre Michael Porter Jr? Je sais pas. Je cherche des solutions. C'est un autre style. Léon, t'as toujours le numéro ou pas? Mais c'est vrai que là, t'as quand même ces 5 équipes. Hors play-in qui semble plonger. Hein, qui semble plonger. Charlotte, c'est la seule en fait qui. Il y a du positif là-dedans. C'est une équipe qui gagne, qui perd, qui gagne, qui perd, qui gagne, qui perd. C'est marrant. Mais qui propose quand même un jeu qui arrive en fait à battre OKC, mais qui va perdre contre Utah, qui va éclater les Clippers, mais qui va perdre contre. Enfin bref, c'est. L'inconstance même de cette équipe. Pour eux, l'objectif, ça serait au mieux d'aller décrocher un play-in, mais... Non, ils sont trop loin maintenant. Oui, des Bucks aussi, la situation des Bucks qui est un peu en retard pour le play-in, et puis Giannis ou pas Giannis. Voilà, ça sent la saison galère. Bon, ouais. Ça, c'est notre conférence Est. Et à l'Ouest. On va revenir dessus quand on va parler. Et à l'Ouest, et ben pour une fois, je vous ai mis le petit visuel, parce qu'à chaque fois, on en parle, mais on n'a pas le visuel, donc autant avoir le visuel. Hein, ça coûte rien que juste récupérer le visuel. Bon, OK, ici, toujours premier. Les Spurs, OKC qui a perdu cette défaite nuit. Défaite en Cup, mais toujours second. Et San Antonio qui a perdu aussi cette nuit dans un match contre les Pelicans. Et qui ont été sacrément menés contre les Pélicans. À un moment donné, ils ont compté quasiment 20 points de retour. Mais ils sont revenus, mais ils ont quand même perdu dans le garbage. Après, tu as Denver qui est toujours là. Houston qui est là. Les Lakers, Phoenix. Phoenix qui est sur 2 défaites. Minnesota qui est sur 5 défaites consécutives. Et qui, du coup, alors que c'était plutôt. Il y avait des voyants un petit peu plus réjouissants. Ouais. Un peu plus Minnesota. Et ça glisse assez vite. Cette conférence Ouest est assez compétitive et les bilans des fois sont assez proches. Mais tout de même, ça glisse, ça peut aller, voilà, c'est les montagnes. 5 défaites, c'est pire que nous. Donc 5 défaites consécutives pour Minnesota qui a pas non plus d'absence notable. Alors si, ils ont eu Rudy Gobert qui a été suspendu, je sais plus qui d'autre. Mais bon, normalement, bref, Golden State qui est 8e, qui eux aussi sont, bon, ils sont sur une victoire, mais ils ont perdu pour très longtemps Jimmy Butler. Ils font revenir Kuminga dans la rotation et ils se pètent. Enfin bref, compliqué pour Golden State du coup, parce que s'ils voulaient faire un petit move autour de Kuminga pour essayer de rester compétitif, du coup, compliqué. Les Portland Trail Blazers, 9e en égalité, à l'équilibre, 23-23. Et les Clippers, ça y est, les Clippers qui reviennent dans la course. Les Clippers qui sont 10e au play-in, 21-24. Tu sais qu'à un moment donné, ils étaient quand même pas bien. Mais ouais, ils ont démarré leur saison. Et là, ils ont encore un peu de chemin. On les a battus l'autre fois, pas plus mal, mais c'est une belle dynamique pour eux en ce moment. Ouais, très très belle dynamique. Et sur les 10 derniers matchs, ils sont sur un 8-2. Ils font partie des équipes les plus en forme de l'Ouest. Et ils ont passé les Memphis Grizzlies, ça y est, qui eux sont hors play-in, comme Dallas, Utah, Sacramento et les Pelicans. Voilà un petit peu pour la conférence Ouest. Une ligue qui va bientôt arriver à la pause du All-Star Game. Donc ça permettra de souffler un petit peu, de ménager les équipes, les effectifs, les bobos. En tout cas, d'ici là, nous, on va aussi partir en voyage. C'est le voyage associatif la semaine prochaine. Et qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir des matchs des Knicks, sans blague. Mais avant de les voir la semaine prochaine, il y a cette semaine à jouer. Et cette semaine, on a 4 matchs. Hein, sur les 2 semaines, on a finalement 2 semaines de 4 matchs. Donc un calendrier assez dense pour New York, avec des matchs à l'extérieur, des matchs à domicile. Finalement, on a autant de matchs à l'extérieur que de matchs à domicile. Donc il va falloir bien voyager et bien assurer à la maison. Des équipes de l'Ouest, des équipes de l'Est. Et on commence cette semaine par la réception des Sacramento Kings. Des Kings qui nous ont battus. Mike Brown, les câlins là, à la fin. Ça se fait pas, les jours de défaite. Ça se fait pas. Ou alors discret. Hein. Mais pas appuyé. Donc, Light the Beam, c'est fini. Arrivé au Madison Square Garden, il y a un besoin de revanche par rapport à cette équipe. Derrière ça, on sera en back-to-back. Et ouais, c'est un back-to-back qui nous attend en ce début de semaine. Et on en parlait tout à l'heure. RJ Barrett, Emmanuel Coutley, ils vont partir, ils vont rester. Bah, écoute, s'ils partent, ça pourrait peut-être nous arranger pour le coup. Parce qu'on les joue chez eux, à Toronto, dans la nuit de... mercredi à jeudi, on a 2 matchs en 2 jours, un back-to-back, et puis là, déplacement là où il fait très très froid. Est-ce que les avions pourront voler? On l'espère, mais au Canada, ils sont habitués à des températures plus qu'hivernales. Un match important, puisque on l'a dit, on le répète, les Raptors nous sont passés devant, donc il serait de bon ton d'essayer de rééquilibrer le bilan et de se repositionner dans cette conférence Est. Après ce déplacement à Toronto, ça sera 2 matchs à la maison, 2 matchs face à des équipes de l'Ouest. Ça sera donc une semaine plutôt teintée Ouest en dehors des Raptors, puisqu'on aura d'abord les Portland Trail Blazers dans la nuit de vendredi à samedi, et dans la nuit de dimanche à lundi, la réception des Los Angeles Lakers. Ça, c'est la première semaine. Et la deuxième semaine, elle va commencer par quoi? Par notre voyage, par notre déplacement, où ça? À Washington, la Maison Blanche qui est sous la neige, la Maison Blanche qui, même si la neige va fondre, va rester blanche. On n'y va pas pour Donald, on le dit, on le répète, on y va pour supporter les Knicks. Maison Blanche qui un peu de tourisme. Qui est sous pression. Sous pression pour plein d'aspects, et on évitera de s'étendre dessus aujourd'hui. En tout cas, les Knicks auront un déplacement à faire à la Capital One Arena. Ça nous permettra de découvrir cette salle, de vous faire un petit peu d'inside, on verra qui s'échauffe ou pas. On va approcher de plus en plus de la trade deadline. Elle est fun cette équipe. Elle est fun. Le vous 2 février. Vous allez vous régaler, je pense. Si l'équipe est au complet, elle est... Elle est fun cette équipe des Wizards. On va dire un match NBA, il y a à voir en live, il n'y a pas de mauvaise affiche. Donc, ouais. Ça restera une affiche importante. On espère que les Knicks démarreront bien la semaine. C'est un mini road trip pour eux et c'est surtout un back-to-back, puisque derrière ils enchaîneront avec les Denver Nuggets. Tiens, tiens, tiens. Retour ou pas de Jokic ? Ça peut changer la des choses, même si en ce moment les Nuggets jouent plutôt bien. Je crois pas. Je crois que Jokic, il est encore. Ça risque d'être un peu juste. Il a encore annoncé parce que je crois que dernièrement, il y a eu une nouvelle sortie et je crois que c'est prolongé son arrêt. Enfin, son arrêt prolongé. Ça... il a envoyé tous les papiers à l'assurance maladie. Je crois que son arrêt est prolongé. C'est ça. C'est ça. Mais bon, à voir si la Sécu valide tout ça. Sinon, il va peut-être le remettre au boulot. On ne sait jamais, il sera en tout cas proche d'un retour. Est-ce qu'il sera au retour pour le Madison Square Garden, pour affronter les Knicks ? En ce moment, son équipe se débrouille pas trop mal. Ça peut changer des choses, en tout cas, d'affronter ou pas Jokic. On verra, affaire à suivre. Mais ça sera dans la nuit en France du mercredi au jeudi. J'essaie de réfléchir parce que pour nous, ce sera réellement le mercredi. Pour ceux qui, les chanceux qui peuvent se déplacer. Et pour finir, après ce back-to-back, eh ben un programme plutôt costaud. Déplacement à Détroit, déplacement à Boston. Boston, c'est la KNF Viewing Party. Donc une deuxième semaine aussi costaud. Nuggets, Pistons, Celtics. Ouais, ça fait une quinzaine avant le All-Star Break au moment de la trade deadline. S'il y a des joueurs qui partent, t'affrontes des équipes qui sont en forme, t'affrontes des équipes qui sont peut-être pas forcément en forme, mais qui ont des joueurs dangereux, t'affrontes des leaders, t'affrontes. Ah, non, c'est compliqué. C'est la période où il va pas falloir se déliter au niveau du groupe, il va falloir montrer la résilience, la combativité. Va pas falloir chier dans la colle, je te le dis. Ça, je te le dis, surtout dans la neige, parce que c'est plutôt dangereux cette histoire. Chier dans la neige. voilà, parce que les États-Unis passent une période de froid et les Knicks, on espère que non. Ouais, alors, on va peut-être pas faire la review des 8 équipes à rencontrer. C'est complexe, c'est compliqué. On va faire juste la review de la preview, pardon, des 4. Cette semaine. Comment se comportent les Kings en ce moment? Alors, les Sacramento Kings, déjà, ils ont une équipe. Alors, Keegan Murray est out, mais Zach LaVine est un day-to-day, mais je pense qu'il sera là. Comment ils sont en ce moment, les Kings? Ben, les Kings, pareil, ils souffrent le chaud et le froid, mais actuellement, ils souffrent plutôt le froid. Après avoir connu une période de 4 victoires consécutives, dont nous, on était au milieu de ces victoires, là, actuellement, ils sont sur 5 défaites consécutives contre Portland, Miami, Toronto, Cleveland et Détroit, donc quasiment que des équipes de l'Est. Prochain match, comme nous, c'est eux. Ils ne jouent pas entre-temps. Donc là-dessus, voilà pour les Kings, qui eux aussi sont des gros candidats à des moves, que ce soit DeMar DeRozan, Zach LaVine, Sabonis. Voilà, c'est vraiment les gros noms qui ressortent. On l'avait pas joué Sabonis quand on avait affronté les Kings il y a une semaine et demie là. Ouais. Mais il est de retour à la compétition. Il est de retour. Qui a plutôt réussi au Knicks dans le sens où on s'imposait contre les Kings. Julius, il aimait bien le jouer. Que ce soit à l'époque Pacers ou même à l'époque Kings. Donc voilà, Kat, si tu pouvais nous martyriser ce Domantas, ça serait une bonne idée. Idée. Et les Raptors alors? Ensuite, les Raptors, ils sont en méfiance. Forme. C'est l'équipe en forme de cette semaine. Alors, ils ont Colin Murray-Boyce, leur rookie qui marche pas mal, qui est actuellement signalé out, comme Jacob Pöltl et Chucky Hepburn. Alors ça, c'est peut-être plus anecdotique, hein, je ne connais pas, mais je crois que c'était un mec de G-League. Chucky, ils ont fait des films. Hein. Ils ont fait des films sur Chucky. Ouais, c'est un tueur, il paraît. Il paraît que c'est un tueur dans la peinture. Mais Colin Murray-Boyce et Jacob Pöltl, c'est quand même des joueurs plus importants dans leur rotation. On l'a dit, là, ils étaient en road trip. Road trip, ils ont perdu contre les Lakers, mais ensuite ils gagnent contre Golden State, ils gagnent contre Sacramento, ils gagnent contre Portland et ils gagnent contre OKC. Et tout ça en road trip. Et ils gagnent à OKC. Donc, alors leur prochain match par contre, bah, c'est nous aussi. Ils joueront pas entre temps. Donc, et nous on sera en back to back. Donc, ils proposaient, c'est pas une bonne idée quoi. Et nous on sera en back to back. Donc attention, équipe dangereuse, cette équipe des dinosaures. Voilà, donc ils joueront et on les jouera en plus, on les jouera là-bas. Donc, on les a affrontés un peu plus tôt dans la saison, on les a affrontés en cup, on les avait battus chez eux en cup. Ouais. Donc, c'est plus. Ouais, ouais. C'est plus la même équipe, là on a un Quickly qui est en feu. Donc voilà. Alors ensuite, les Portland Trailblazers. Eux, au niveau de leur infirmerie, ils ont toujours Matisse Thybulle qui est out. Ils ont Chris Murray qui est out. Ils ont Scoot Anderson qui est out. Robert Williams qui est en day-to-day. Et Denis Avdija qui est en day-to-day. Voilà un petit peu où ça en est. Et au niveau de leur forme, sur les derniers matchs, ben, ils sont quand même plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'ils ont une défaite, on en a parlé, Toronto. Mais avant ça, ils avaient gagné Miami, ils avaient gagné Sacramento, ils avaient gagné les Lakers, ils avaient gagné Atlanta. Donc, sur leurs 10 derniers matchs, ils ont 3 défaites, 7 victoires. Et même si on remonte plus, il y a quand même plus de vert que de rouge. Donc non, c'est une équipe qui actuellement se comporte plutôt bien. À noter que avant de nous jouer, ils joueront deux fois eux aussi. Ils joueront Boston et ils joueront Washington. Tout ça à l'extérieur, ils sont en road trip. Donc ils jouent Boston, ils jouent Washington et après nous, ils devraient jouer les Nets, non? Non. Après ça, ils reçoivent Cleveland. C'est-à-dire qu'il faut un New York-Portland pour recevoir Cleveland. Franchement, ils auraient mieux fait jouer à Cleveland. C'était plus sur la route, mais bon. Et les Lakers. C'est pas tip-top. Eux, ils ont Austin Reeves qui est toujours out. Et Jack LaRavia, leur side. Hein, déjà, Reeves. Lui, il est bien pété, hein. Et Jack LaRavia, leur serial shooter qui est signalé out. Et eux, au niveau de leur forme sur les derniers matchs, ils sont en positif sur les 5 derniers, mais ils sont pas en positif sur les 10 derniers. Mais dernièrement, donc, ils ont gagné Dallas, mais qui est décimé par les blessures. Ils ont perdu le choc de Los Angeles contre les Clippers. Ils ont gagné à Denver. Et ils avaient gagné contre Toronto. Avant de nous jouer, ils joueront Chicago. Ils joueront... Alors tout ça aussi, ils sont en road trip. Hein, à signaler quand même... C'est les Oscars en ce moment, non? C'est pas ça? Il n'y a pas une... Enfin, on s'approche des cérémonies et ils sont du coup sur la route. Parce que depuis le 21 janvier, ils sont sur la route. Ils ont commencé leur road trip contre Denver. Après, ils ont fait les Clippers, Dallas... Et maintenant, ils vont enchaîner avec Chicago, Cleveland, Washington et les Knicks. Et après, ils joueront aussi les Nets. Et après, ils auront le droit de rentrer à la maison le 6 février. Donc, ça fera... On va faire un bisou à Jenny Buss. Oui, ouais, visiblement, tu vois, nous, on a pu avoir de la friture sur la ligne entre Mike Brown et Karl Anthony Towns. Je crois qu'entre la direction, l'ex-direction... L'ancienne. Ouais. L'ex-direction et le Brown, ouais, je crois que le divorce a... Mais c'est pas fait dans la bonne ambiance, je crois. Alors, est-ce que LeBron va demander son trade à New York? Il y a des gens qui pensent, qui affichent encore des LeBron avec des maillots d'Enix. Non, soyons sérieux. Non. Eh les gars, faut passer à autre chose. C'est comme quand t'es dans une vieille histoire avec... Tu penses encore à ton ex, quoi. Il y a un moment, faut tourner la page. LeBron, oui. C'était quoi? C'était il y a 20 ans? Non, je veux dire, ça paraît. C'était il y a au moins 10 ans, quoi. Mais c'est la faut tourner la page. C'est fini, ça. LeBron, quand il viendra jouer à New York, c'est avec un maillot extérieur. Voilà, quand on a été proche de le signer, finalement, ça n'a pas été fait. On a fait Amare Stoudemire. Voilà. Est-ce qu'on se rencontre du nom? Est-ce qu'on se rend compte du nom? On a sur cette dette, sur cette année-là, sur cette free agency-là, on a fait Amare Stoudemire. Allô. Voilà. Donc et depuis, on n'a plus jamais été proche de le signer. Donc non. Et si tant est qu'on ait été proche de le signer. Oui. Mais Mais voilà, en tout cas, la venue des Lakers au Madison Square Garden, c'est toujours un événement à part entière. Donc voilà, un match un peu particulier. Luka Doncic contre Jalen Brunson. Oui, non. Est-ce qu'ils seront tous les deux en capacité de jouer? On verra tout ça. Bon, on a fait la preview, je vais y arriver, sur cette semaine. On va pas s'attarder à faire la preview pour la semaine d'après. Si je te posais la question pour cette semaine, puisque la deuxième semaine, tous les matchs sont immanquables, ceux qu'on va voir, ceux qu'on va faire en déplacement, donc il n'y a rien. Par contre, cette semaine, c'est quoi le match que tu as en plus envie de voir? Les Raptors. Voir qu'un seul. Raptors, okay. Les Raptors, ouais, c'est l'équipe en forme. C'est l'équipe qui joue le mieux en ce moment. C'est l'équipe qui est le plus armée pour bien nous embêter. Ouais, non, les Toronto Raptors, pour moi, c'est le match le plus dangereux. Ok. Eh ben, pas pour moi. Alors, peut-être dangereux sportivement, mais celui que je vais plutôt suivre, enfin, suivre, et encore, je suis pas sûr de le suivre parce que ça sera le chemin pour l'aéroport. Mais c'est la venue des Lakers. Peut-être, on sait pas, peut-être que c'est le dernier match de LeBron au Garden. Peut-être. Alors, à moins, bien sûr, de se retrouver en finale en juin. Mais là, je suis pas sûr pour les Lakers. Et la cote Lakers-Knicks finale NBA doit être sacrément élevée. Ouais. Oui, mais des fois, il y a des surprises. Qui aurait parié sur les Pacers? Ouais, mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire à ce stade de la saison. Au 26 janvier. grosse cote. Si vous voulez vraiment faire un pari qui peut vous rapporter gros. C'est celui-ci. Hein. Mais en tout cas, voilà, ouais, non. Alors, effectivement, le déplacement aux Raptors, ça va être très attendu, c'est un point de vue sportif. On attend que les Knicks confirment maintenant et une continuité dans la confirmation qu'ils ont pu avoir face aux Sixers. On va parler des pronostics dans quelques instants. Mais ouais, non, les Lakers, c'est toujours une affiche à part. Lucas, qui vient aussi au Garden, c'est spécial. Et puis, c'est pas forcément une équipe qui nous réussit tant que ça. Les Lakers, malgré qu'ils ne soient pas dans une bonne dynamique, ça sera un match un petit peu à part entière. Je ne vous parle pas des matchs de la semaine d'après. Il y a quelques matchs de merde au milieu, je veux dire, bon, le Wizard et les Nuggets, je pense que c'est quand même de la merde. Mais après, sinon... Quel enfoiré. Dit-il. Bah ouais, depuis un canapé, c'est moins... Non, voilà. Alors, notre pronostic, on va le faire que pour cette semaine. On va pas le faire pour la quinzaine. C'est plus compliqué aussi en fonction des trades qui peuvent chambouler des choses dans cette ligue. Est-ce que Giannis va débarquer aux Celtics, aux Pistons, aux Nuggets, aux Wizards? Ça pourrait changer le paysage un peu de la NBA et ça, on peut pas encore se projeter. Mais pour cette semaine-ci, 4 matchs. La semaine dernière, tu étais parti sur un 3-0. Je t'ai suivi, j'avais un doute sur Philly. Bon, finalement, c'était Dallas qui, Dallas, qui a tout changé. Je pense que Dallas, c'est rare. Qui avait pronostiqué. Si, parce qu'il y avait beaucoup, quand même, il y avait beaucoup de bons gros devins qui le savaient qu'on allait se cracher contre Dallas avec leur équipe C. Ouais. Donc, j'allais dire. On ne les voit jamais en commentaire, on ne les voit jamais. Donc, là, pour cette semaine, allez, vas-y, lance-toi. Le pronostic de cette semaine, 4 matchs, 3 à la maison, 1 à l'extérieur qui est à Toronto, un back-to-back, des équipes de l'Ouest, mais une seule équipe de l'Est. Les Knicks, ça rend combien? 3-1. Ça veut dire qu'on perd quelque part. Ouais. Contre qui? Pour moi, on perd après avoir pour moi, on perd contre Toronto là-bas. On gagne contre Sacramento, donc on est sur une série de 3 victoires. On perd contre Toronto, on arrive quand même à gagner à la maison et je ne vois pas en difficulté contre les Lakers. Aussi fort sont-ils avec LeBron, avec machin, mais je ne vois pas en difficulté contre les Lakers. Ok. Eh bien, écoute. Je vais plus ou moins te suivre. Je dis plus ou moins. 3-1 également pour moi. Je ne vois pas prendre les 4. J'aimerais, hein, ça serait bien. Pour retrouver, hein, ça y est, ouais, les Knicks, l'équipe est bien construite, finalement. Le coach, il a tenté des trucs, ça marche. Voilà, j'aimerais. Mais je pense qu'on va en lâcher en route, parce que c'est compliqué. On n'est pas une équipe qui domine, on n'est pas une équipe qui rayonne, on n'est pas une équipe qui a de la constance pour l'instant. Actuellement. C'est tout à ce à quoi on aspire, mais voilà, c'est pas certain qu'on arrive à enchaîner les prestations. Et puis, on l'a dit, le coach, s'il nous pose des questions, on s'interroge sur lui, la forme de certains joueurs aussi, des joueurs cadres. Donc voilà, est-ce qu'on va arriver à rayonner sur cette semaine? C'est pas certain. Moi, je pense qu'on va perdre, mais on va perdre à la maison. Je pense qu'on va le prendre, ce back-to-back et ce match à Toronto. Est-ce que les Knicks vont rester concentrés, focus? On s'est déjà fait surprendre, ou on s'est fait battre par ses Kings. Donc ça serait de mauvais ton que Mike Brown perde contre toutes ses anciennes équipes, parce qu'il en a fait pas mal en plus. Et il a aussi accessoirement coaché face aux Lakers. Enfin, face avec les Lakers. Non, moi je pense qu'on prend ce back-to-back. Concentré, focus, on enchaîne. Ça serait très bien. Les Blazers, ça va être costaud, mais allez, on les prend. Et moi je pense qu'on perd contre les Lakers. C'est un match spécial, particulier. Je sais pas, je sens la... Ou soit un Doncic game qui nous fait des trucs qu'on n'arrive pas à défendre. La défense des Lakers, c'est vraiment pas ça cette année. Hein. Ouais, mais la nôtre non plus. Donc ouais, mais ça va être un match d'attaque. Notre attaque, notre attaque serait meilleure quand même. Est-ce que j'ai plus confiance dans la capacité de notre attaque? C'est pas notre défense qui me rassure, qui nous a jamais rassuré pour l'instant. Mais voilà, si je devais en dire qu'on en lâche un, qu'on en perd un en route, ça serait celui-là. Par ce match qui est toujours un peu spécial. J'espère me tromper. Un 4-0 avant de partir me ravirait. Voilà. Voilà mon pronostic pour cette semaine. Voilà le tien. On est sur un 3-1 tous les deux. Et bah écoute, si c'est un bilan positif en nombre de victoires-défaites, j'ai envie de dire... Et on finira ce mois de février. On pourra faire le compte. Le mois de janvier, pardon. On pourra faire le compte et voir quel a été le désastre de ce mois de janvier, quoi. Il aura été moins bon que d'autres mois de janvier. Il y avait 14 matchs en 24 jours. Voilà, on fera le bilan. On fera le bilan. N'oubliez pas la viewing party face aux Celtics le dimanche. Oui, c'est ça. Oui, c'est le dimanche. Ouais. C'est le dimanche. Je ne sais plus quel jour on est. Hein. Puis avec le jet lag, ça va pas s'arranger tout ça. Le dimanche face aux Celtics le 8 février. Et puis bah, d'ici là, nous, vous pouvez nous souhaiter un bon voyage. On va essayer de vous abreuver d'images et de contenu. Pour vous faire profiter quand même à distance de cette nouvelle aventure. Un bon petit groupe qui se prépare. On va prévoir des valises bien remplies parce qu'il ne fait pas très très chaud là-bas. Donc il risque d'y avoir un petit peu de blanc sur le ciel. Des gants. Les gants, des batailles de neige. Des cache-coups. De la luge, du ventre-glisse. On verra. Tout ça va être encore un voyage très intéressant avec l'association. Et on essaiera de vous en partager le maximum de contenu pendant le cours de ce séjour. Et puis des beaux matchs. Et puis des fans d'expériences dont je ne peux pas encore parler, mais qui devraient être sympathiques. Voilà, tout ça, c'est pour dans une semaine pour nous. Et de pouvoir jeter des boules de neige dans la tronche à quatre. il faut qu'on se tienne quand même. Il faut qu'on se tienne. Mais peut-être que il nous surprendra avec des beaux matchs. On ne sait pas. Ils se sont surprenants cette saison. Il n'y a pas de raison qu'ils ne se prennent pas. Voilà, c'est tout pour nous pour cet épisode long, mais pour deux semaines. Vous nous excuserez d'avoir été bavard. On vous donne rendez-vous donc dans 15 jours pour le nouvel épisode 145. Ça sera le 145. Là, c'était le 145. 1h46. Ouais, on est pas mal. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Et puis, let's go Knicks. Ciao, ciao. À bientôt, voisin du dessous. Hein, tu penseras arroser les plantes. Hein. C'est ce que j'allais te dire, quoi. Mets-moi les clés dans la boîte aux lettres, comme ça je les trouverai. Ouais, c'est ça, on fait comme ça. Allez, bonne week-end. Pouah, n'importe quoi. Bonne quinzaine à vous tous. Ciao, ciao.